Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il crève. Ah non, merci. Non. Hashtag, j'ai pas kiffé. Ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Il y a un profond parfum d'alcool pur. On a l'impression qu'on peut nettoyer des lunettes à l'autre. Ah, mais si jamais t'as une perforation intestinale, je pense que tu le sens tout de suite. Hein. Ah, oui. Non, il va savoir où ça fuit. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave. Hein? Si. Il y en a aussi. Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour. Hop là! Et Gringo! Rodriguez et la Pluma! C'est le clap. Ouais. Donc, bonjour et bienvenue pour ce. Spécialité? Ouais, et on va reprendre le nom original, shoot, ouais. Summer Edition, hein, pour rester dans l'hommage, tout ça. Toujours en bout dedans. Toujours en bout dedans, bien évidemment. Il manque terriblement. Oui. Bonjour à vous, on est. Si, là, ça commence à redescendre un petit peu pour ma part, en tout cas. C'est peut-être l'effet du live, en fait. On est concentré, on est focus. C'est là, wow. On est des professionnels, on l'est pas. Hein. Ouais, donc pour mettre un petit peu dans le contexte. Professionnel du podcast non parisien. Ouais, la Provence, quoi. Enfin, on l'a pas connu, quoi. Intersectionnel. Toujours. Donc on a été à une petite soirée barbecue VNB. Un petit peu bien. Bah, on n'a pas revu qu'il a servi, on était trop bourrés. C'est dire le niveau. C'est pas eu le temps. On a pas eu le temps. Donc du coup, on va profiter de cette soirée d'être tous les trois ensemble pour faire un épisode un petit peu spécial, hors série, Summer Edition. Un peu genre, on va prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait. Ouais. Est-ce que je commence là, un petit QR? Vas-y, commence par... Faut expliquer aux gens, c'est Prune 1999, hein. Un petit cuvert pour 1999, voilà. On est parti. Ceux qui ont pu la goûter... S'en souviennent. Sauront de quoi on parle. Oh, la bonne odeur d'éthanol. Comme de la moto. Comme dirait l'ami Emile, ah, si t'as une perforation intestinale... Bon, ben ça nettoie les lunettes. Ah ça bah, là, surtout que sur celle-là, la 99, tu la sens bien passer. Hein. Ah, je pense que les 100 degrés d'alcool sont dépassés. Je pense que l'on en a créé. Alors, je pense que les scientifiques passent, ils se disent mais comment est-ce possible? Pendant ce temps, j'ouvre la super papa. Tu peux. 2, 3. Donc, du coup. Oh, le cuvert. Le cuvert. Il a fait un cuvert d'anthologie. Oh, mon dieu! Donc en fait, pour ceux qui savent peut-être pas, en fait, on fait des émissions. C'est la bouche qui pique. Shooter édition ouais. À Radium, donc ouais. La radio. La radio des vraies hommes. La radio qui fait pousser la barbe. La radio des vraies femmes. Ça goûte un peu. La radio des femmes actives. Bon, et en fait, du coup, bon, on a fait plusieurs sujets depuis janvier. Ouais. Enfin, si je dis pas de conneries. Non, oui, janvier. 6 mois, oui, c'est ça, 27/01. C'était notre bonne résolution, on l'a tenue. C'est ça, donc on a fait une première partie de saison, on va dire. Voilà, allez, on va dire qu'on est comme nos lives, on fait des saisons, demi-saisons. Une demi-saison. Quoi. Une demi-saison. Voilà. Comme une demi-molle, mais deux saisons. Du coup, on avait prévu de revenir... demi-molle de saison. C'est ça. Bon, on avait prévu de revenir un petit peu sur tous les shooters qu'on a fait, et je pense que du coup, c'est une bonne entrée en matière de revenir sur cette expérience, je pense, de Radium. Oui, Premier qu'on a fait, le premier shooter qu'on a enregistré, c'était le shooter Origins. Voilà. Donc c'était sur revenir sur le podcast, pourquoi on en fait, et pourquoi on en fait à la radio. Est-ce que vous avez des choses... Genre des lunettes sur Tinder, c'est pas... Oh, il y a une chèvre. Putain, c'est pas moi, gentil monsieur. Non, mais... Effectivement, il y a vraiment une chèvre en photo. Une biquette, mais vraiment une biquette enfant, en plus, un peu nigno. Un peu genre... Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait commencé à faire un petit peu de podcast en radio quelques mois. Je sais pas ce que cet épisode là avec Prune. Quelques mois auparavant. Excusez-moi pour la sonnerie. Avec ton podcast. qu'on avait pu commencer à enregistrer. On avait enregistré Quoi qu'il se passe, Japan Town. Quelques-uns, depuis 4 mois environ, on commençait à enregistrer quelques Quoi qu'il se passe à radio. Sur une idée. Septembre-octobre, oui, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Sur une idée la plus conne tous les temps que j'ai dit. Mais pourquoi on le ferait pas à radio C'est ça en fait. C'est pour la petite histoire, parce que je sais plus si on l'a expliqué ou non en fait. Radium, j'avais l'idée de les contacter, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. Et c'était suite à un concert aux ateliers. Ouais. Donc c'est une structure qui accueille. Anecdote. Le Radium. Il y avait d'autres. Et le studium, pour le coup, que Gandalf les a contactés pour leur. Mais vraiment, ça a été répondu dans l'heure, quoi. Vraiment, on s'y attendait absolument pas, tu vois. Très clairement, on s'y attendait pas. Et c'est vraiment une bonne. Rien que ça, c'est une bonne surprise déjà. Et c'est vraiment une très belle expérience, rien que pour ça déjà. Ouais, je sais que moi j'avais contacté, j'avais laissé un message sur un groupe Facebook sur le On aime le podcast, qui regroupe un petit peu les podcasts aux alentours, mais il n'y a pas gros monde. Et c'est plus ça a été dévié, l'objectif primaire c'était parler, peut-être débattre un petit peu autour du podcast, et ça, c'est parti en live sur la pub. Donc j'ai sorti le nouvel épisode de machin, du truc. Donc du coup j'avais posté ici pour voir ce que eux ils pensaient de passer du monde vraiment podcast maison à un studio d'enregistrement. Et la câble tout à la fin. Dans un studio vraiment. C'est très fort, oui, mais ça. Et du coup ils avaient dit tente, ça fait une expérience, et final, ce que j'en retiens, c'est que c'est une bonne expérience différente. Comparé, juste poser le micro et raconter des conneries et faire un petit peu de montage, alors que là c'est vraiment plus dans la thématique radio où c'est dans un créneau de radio. Ouais, il n'y a pas les mêmes contraintes. Voilà, c'est moi que j'ai cherché, merci. Mais après, on peut pas dire qu'il y ait particulièrement de contraintes pour nous. On vient pas avec le couteau sous la gorge, mec. C'est-à-dire, on n'a aucune contrainte. Il n'y a rien qui nous dit, les gars, vous devez faire une émission par mois ou quoi c'est que ça. Ce soit. C'est, au moins, dans nos structures, de toute façon, dans tous les cas, au niveau, parce qu'on a commencé avec Quoi qu'il se passe, c'était déjà, le podcast était irrégulier. C'était, on en fait un, quand on a des choses à dire, quand il y a de l'actu, quand on fait des sorties, quand on prévoit des sorties et qu'il y a de matière à raconter. C'est pour ça que y a des podcasts qui regroupent beaucoup de sorties. Parce que on n'a pas le temps de faire parce un quota. Parce que des fois, si on en fait un, ça va durer 10 minutes du temps d'expliquer, alors que des fois, on les regroupe pour dire, pour mettre l'accent sur notre podcast. C'est ce mélange. Ah oui, non, mais la prune, super papa. C'est bizarre, t'as super papa sans la prune. Elle sentrait beaucoup la prune. C'est la chiasse avec d'y penser. Et du coup, je sais qu'au tout début, quand on l'a fait en live, à la radio, qu'on avait le créneau d'une heure avec une émission après, qu'on n'avait pas forcément eu le temps de tout dire. C'est pour le Quoi qu'il se passe, du coup. Pour l'un des premiers Quoi qu'il se passe, on le faisait le mercredi. Le mercredi soir à 19h, 20h. Déjà, il y avait une émission avant. Il y avait une émission avant. Oui, il y avait le planning familial de Castres. Du Tarn. Qui était là, donc eux aussi avaient une émission, donc du coup il fallait vite enchaîner on était déjà dépendant de eux par rapport à l'heure à laquelle ils finissaient, ils arrivaient, parce qu'ils étaient nombreux, donc déjà le temps de débarrasser un petit peu le matériel et de dégager le studio, ça prend 2-3 minutes. Nous derrière on devait enchaîner, on avait à peine le temps d'enfiler les casques que le jingle partait. Et c'était pareil pour la suite. C'est vrai que ça part vite, ces histoires. C'est vrai que ça part vite. Ah, mais c'est vrai. Non, on rigole, mais c'est d'autres contraintes. Voilà. J'aime bien. C'est vrai, finalement, c'est bien. On est parti de ce créneau-là, donc d'une heure le mercredi soir, pour le créneau du samedi où on enregistrait les émissions shooter. Ouais, parce qu'il nous fallait un peu plus de temps. Voilà, où le samedi, en fait, il n'y avait personne. Donc du coup, on peut facilement prendre quasiment, on va dire, toute la journée, parce qu'ils ont. Pas d'émission, c'était plutôt le soir à 19h en semaine. Le week-end, c'était plus cool. Donc du coup, en fait, on a dévié un petit peu, on a profité du fait d'enregistrer les shooters le samedi début d'après-midi, selon ce qu'on devait faire, parce qu'on a fait 2-3 fois assez tôt pour pouvoir partir à Rodez. À 14h, il me semble, non ? À part le premier à Rodez, pour la dernière. On a fait 13h, une fois ? On a fait le assez tôt. Ou 13h30, peut-être. Et donc du coup, ça nous a permis en fait d'enchaîner l'apéro où on discute tranquillement sur un sujet. tranquillement à base de tranquillade. C'est ça. Et de dévier, d'enchaîner en fait, là c'était plus là, au niveau de la coupure, d'enchaîner sur le quoi qui se passe, où c'était là un petit peu plus... En fait, la précédente expérience de radio, plus notre expérience du podcast, en fait, ça a fait que même si on était très souple en fait, sur nos horaires du samedi, on arrivait à tenir dans le temps imparti. Même si on pensait tenir moins longtemps, on arrivait à rallonger pour que ça fasse le temps imparti. Et si on avait beaucoup de choses à dire, on arrivait des fois raccourcir. Voilà, à raccourcir, à abréger un petit peu pour se caler dans les deux heures en fait, les une heure et demie. Deux heures. Ouais, au début, on était parti sur une heure et demie. Après, on a fait deux heures. Et après, en fait, on est parti sur un créneau de deux heures parce que c'était plus naturel de découper. Voilà, on fait quatre parties avec trois musiques à chaque fois. Et du coup, ça fait une partie de 30 minutes à chaque fois. Et c'était plus fluide pour aborder justement, pour thématiser. Ça nous apporte de la fluidité parce que 30 minutes. C'est pas très long, donc... Mais c'est en même temps, c'est pas très long, mais t'as le temps d'aborder un petit peu tout ce que t'as envie de dire. T'introduis un petit peu et tu arrives un petit peu à parler, tu soulèves des points. Un podcast de 2 heures, ça peut paraître long, mais... compartimenté en 30 minutes, ça apporte du rythme, ça apporte une fluidité. Un petit peu radio, mais pour de vrai, là, c'est sur le coup. Même si on a la souplesse du truc, on arrive à garder notre rigueur sur ça. C'est vrai que de mémoire, on n'a pas fini beaucoup de fois vraiment hors des clous. Il y a juste la fois où on a enregistré on a interviewé Ketchup Games. Ketchup Games, voilà. Où là, l'interview a été un petit peu plus longue. Enfin, elle a duré 45 minutes. 45 minutes au lieu d'une demi-heure. C'est pour le beau geste, là. Oui, après, voilà, on a quand même. Enfin, on n'avait pas d'impératif derrière, donc on a continué. C'est le seul truc, en fait, sur lequel on s'accorde la souplesse, en fait. C'est l'interview. Si on a une personne avec qui on peut avoir de l'interactivité, des questions, des choses comme ça, une personne qui peut nous apporter des choses. Ça change beaucoup, ça aussi. On a vraiment des témoins, comme on appelle. Voilà, si notre témoin. A des choses à dire, à nous parler, la souplesse de l'après-midi fait que nous on part dans l'idée de 30 minutes, mais si ça dure 45, sur cette partie-là, en tout cas, c'est pas dérangeant. Sur les autres, on essaie d'être plus rigoureux. De toute façon, on fait pas ça pour nous. Les gens apprennent des trucs. Aussi, on fait ça pour nous, mais bon, voilà. Enfin, pour nous, non. Enfin, moi, dans l'idée du podcast, à chaque fois que j'ai fait, même pour quoi qu'il se passe, c'était... pas pour nous en moi-même. Non, que ça soit écouté ou autre, c'est juste... Si on peut faire découvrir les choses des gens, c'est bien. C'est pour ça qu'une interview, on peut pas couper, quoi. Voilà. On n'est pas là, le mec, pour le presser. Faut tenir l'horaire, parce que tu comprends, mon coco, d'après, il y a la pub. Après, il faut parler de fertilisation, là. Fertilinette. Mais Cyril, Sam Donc, tu comprends bien que, voilà. Donc voilà, c'est pour le beau geste, là. Oui, c'est ça. Oui, moi, après, comme ça, mais... toujours en étant toujours dans la partie podcast, je l'ai toujours vu comme ça. Enfin, les personnes qui me disent je suis les stats, vraiment, faut que je perce, entre guillemets. Et tout, Je te dis que la seule que je percerai, c'est une petite. Bien sûr, hein, c'est explicite. J'ai 80 gangs là, on a dépassé combien de minutes, c'est bon. 12, c'est bon. Bon. C'est trop. Les stats, enfin, sans être vraiment focalisé dessus, c'est agréable. Je pense que c'est quelque chose d'agréable. Tu regardes une fois de temps en temps, moi je regarde une fois par mois, mais tu vois, c'est cool, le mois dernier, on a fait tant d'écoutes. Ça flatte un peu ton ego, je fais pas ça pour rien. Voilà, c'est ça, tu fais pas ça pour rien. Tu fais pas ça pour toi-même, c'est que tu dis qu'il y a des gens, parce que c'est vrai, des fois, ça tourne à peu de choses, tu vois. Par exemple, je parle de notre sociétaire, notre ami Tocheux. Certains ont trouvé une certaine résonance dans ce qu'il disait. Tu sais, dans son. À l'époque. Non, roule avec moi. Bon, roule avec moi, voilà. Parce qu'il avait un certain mal-être et tout, à l'époque, il voulait en parler. Et du coup, il a fait sa thérapie en podcast. Certains l'avaient dit, il l'avait même traité comme ça. C'était une thérapie en podcast. C'est comme ça qu'il le. Et moi, j'avais vraiment apprécié cette mise à nu, tu vois. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Je pense pas qu'on demande d'avoir un million de personnes qui nous écoutent. Mais de dire, là, il y a quelqu'un qui disait, qui écoutait, par exemple, roule avec moi, qui voulait passer à l'apéro original. Ben rien que ça. Ça fait plaisir, toi, tu te dis pas, tu fais pas ça pour rien, tu fais pas ça pour te faire plaisir ou pour je sais pas quoi. Non, tu fais ça pour toujours quelqu'un. Ou tu dis peut-être ça lui apportera un peu de sourire dans sa vie ou je sais pas quoi. Pas grand chose, tu vois. Ça, des choses très très laconiques. Nous on fait pas ça en se disant ouais, les gens derrière ils vont se bidonner, ils vont se. Enfin, moi quand je fais des intros, fait, vraiment c'est one again, toi. Oui. Enfin, c'est one again, c'est vraiment parce que c'est mon délire. Mais derrière tu te dis ouais, ça va faire plaisir à quelqu'un. Et ça, bah, ça donne un peu de sens. C'est ça, ce que tu fais, voilà. C'était aussi un petit peu l'esprit, enfin, quand on a lancé le projet Apéro Original, c'est voilà, on pose juste le micro, on fait un après-midi, micro, puis voilà, on prépare des petits trucs, et puis. Moi, quand je vois les gens que j'ai rencontrés, à refaire, c'est plus. On signe. Mmh. Ça, à refaire, c'est plus, tu vois, même, c'est même plus, tu vois. C'est-à-dire que pour rencontrer des gens comme Benjir, qui fait rural normal, du canal du Vide, pour rencontrer le Milou, par exemple, pour rencontrer David. Pour rencontrer Père Antoine, pour rencontrer Noé, et bien évidemment pour rencontrer Toucheux, qui est devenu sociétaire par-dessus, et Jean-Jean, voilà, que j'ai oublié aussi, qui est à deux doigts du sociétaire aussi. Ouais, comme Pépé, hein, comme bientôt. Comme Pépé, rivalité avec Pépé. Ouais, le prochain, il y a droit. Hein, à revenir en arrière, c'est négatif, toi. Vraiment, c'est. On m'aurait dit au début, tu ferais des rencontres comme ça. Quelque part, je l'aurais pas cru, tu vois. Je m'en dis, bon, le podcast, c'est finalement trois cons derrière un micro. Bon. Mmh. Voilà. Puis quand tu nous avais dit, ouais, j'ai invité des gens, au début j'étais là un peu sceptique, j'ai fait, bon, il a invité des gens, puis écoute, on verra bien. Et puis finalement, avec le recul, et ben, à refaire, ça aurait été même dès l'épisode 2, tu vois. Mmh. Ça, direct, c'est vrai, parce que. Le deuxième, on était encore que nous trois. Ouais, oui, oh, on est resté longtemps, nous trois. Hein, ouais, on est resté nous trois pendant quand même bien un an et demi. Hein. Après, il y a Oui Wish qui est arrivé. Il y a peut-être eu. Ils sont pas venus. Voilà. Non, Lucy Raptor est arrivé à l'épisode 6 ou 7. Lucy Raptor et We Wish. Ouais. Oui, on a fait peut-être au premier Noël, un truc comme ça, je crois. Voilà, c'était un Noël parce qu'il y avait une espèce de photo. Ouais. Oui. Je me souviens une photo. je me rappelle une photo sur Tinder. Bon, c'est pas avec ça qu'on va choper, hein, mais. Je sais plus qui c'est qui l'a mis sur Tinder, je crois que c'est. Bah, c'est lui qui l'a mis. C'est We Wish. Ouais, notre ami Azartov n'est pas sur Tinder, mais. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est même, tu vois, plus que nos amis en tant que tels, on a élargi ce cercle, finalement, et moi, à refaire, c'est pas, ça... C'est pas si vieux que ça, hein, et à refaire, les rencontres qu'on a pu y faire, non, ouais. Mais ça date de un peu plus d'un an, hein. Oui, ça. Là, je suis en train de regarder la quatrième pinte, ouais. Donc la quatrième session d'enregistrement, il y a 4 bières. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on avait un invité à son. Et le Boca 3, il n'y en avait que 3. On avait Wish peut-être. Il devait y avoir Wish. Après, c'est le Choc à 5. On était que 3. On n'était que 3 parce que c'était à ton retour du Japon. Du Japon. Parce que le premier, c'est que du. Bosoyu à. Oui, c'est toutes les bières japonaises. C'est vrai que je l'ai ramené exprès. Grand plaisir de vous les ramener d'ailleurs. Bon, on fera pas le point quoi qu'il se passe au Japon, hein, bien sûr. De quoi qu'il se. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Sortira un jour. Mais oui, c'est pas grave, on n'est pas pressé de toute façon. De toute façon, quand tu reviendras de ton deuxième voyage au Japon, peut-être. Bah, c'est ça, oui, on fera un combo. On fera une version de 6 heures. C'est pas grave, de toute façon, les gens n'en ont rien à péter. Donc oui, ce sera à refaire, moi, je signe direct. Oui. Bah, c'est vrai. Non, les belles amitiés, les rencontres. Ouais, les belles rencontres, ouais. C'est pour ça que je regrette, tu vois, vraiment d'avoir le mal des transports pour aller à Podren, tu vois. Bah, justement, voilà. J'allais enchaîner là-dessus. Enfin, t'as fait Asto deux Podren. Ouais, parce que j'étais en train de compter. Et c'est pareil, enfin, la première fois, t'es venu un petit peu sans trop savoir. Sans connaître qui que ce soit, en fait. Ouais. À part toi et Toucheux, en fait. Ouais. Oui. Un peu Jean-Jean, je crois qu'il est devenu. Oui, il y avait Jean-Jean, ouais. Donc oui, c'était vraiment la grosse découverte. Je sais pas si je le connaissais, peut-être. Peut-être après, je sais plus dans quel ordre. Mais c'est pareil, enfin, la première fois, pour revenir sur la genèse de Podren, quand Pépé a envoyé le message sur Twitter pour dire... Venez. Est-ce que ça vous dit de boire un coup, je fais un framadate et vous mettez c'est les informations. C'est bien, c'est ça me plaît, ça les framadate, ça me plaît. Et ouais, quand il a vu au début que enfin il avait orienté ça que pour les personnes qui étaient de Rennes, ouais. Quand il a vu un petit peu qu'il y avait beaucoup de monde en dehors de Rennes et de l'autre bout de la France, ouais, qui était soit à venir, c'est et, pas tu dis ouais, moi carrément, enfin j'ai foncé sur l'occasion. En plus pour mettre des visages sur les personnes que j'entendais, que je voyais, que j'entendais sur Mumble, que je côtoyais. pas quasiment tous les jours, mais au moins une fois, voire deux par semaine, ouais, voilà, mettre un visage et vivre d'autres choses que d'être derrière son micro sur Mumble. Quoi. C'est ça. Tu côtoyais déjà le Mumble ouais. de oui, Randall à l'époque. Oui, mais c'est pour ça, en fait, je suis passé directement... Enfin, ça remonte à loin, je crois que ça va être 2014 et quelques, où j'ai commencé à aller dans le podcast. Et petit à petit, à force de faire des lives, enfin de suivre des lives, et que Randall était à cette époque-là, enfin pas quasiment sur tous les lives que je suivais, mais presque, je disais, bah, viens sur Mumble, je te file les accès, et du coup, c'est comme ça que bah, ouais. tu mets le doigt et puis tu finis par faire du podcast après. Quoi. Mais c'est... t'es là, t'as vite. Quoi c'est... Oui, c'est toujours un petit peu comme ça. En fait. On veut si tu, oh mets, ta... tu mets ta bite, on va poser mon problème. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ce podcast, des fois, on lui dit ce mot un peu galvaudé dans tous les sens, tu sais, la grande famille. Hein, la grande famille, ce mot qui veut à la fois tout dire et rien dire. Ouais, mais ça a une signification pour nous. Mais là, pour nous, ça aurait une vraie signification, tu vois. Moi voilà, Tocheux, pour moi, c'est devenu un vrai ami, tu vois. Il arriverait quelque chose, ça me ferait des choses, tu vois. Oui, pour moi, quand, par exemple, le podcast. C'est vraiment, j'y suis passé et tout dedans. Et bien, moi, pour moi, ce pauvre Bernard Lapoutre, malheureusement décédé, et bien, ça m'a touché. Quoi. Vraiment, dans mon corps intérieur, ouais, ça m'a. T'es pas le seul à ce niveau-là, parce que moi, ça m'a fait quasiment le même c'est effet. C'est ça, c'était vraiment. Ouais, c'est, voilà. ça fait bizarre, en fait. Ouais. Une personne que tu connais pas, mais ouais. que tu. Que tu connais, plaisir. Voilà. En fait, c'est bizarre parce que justement, le podcast. Ce podcast, il n'y a pas ce filtre. Tu vois, parce que des fois, on dit. J'avais fait ce dossier dans l'apéro original, on avait dit que David Bowie, tu pleures, tout ça, etc. Le filtre n'est pas le même. Parce que les gens sont moins. Il y a moins de célébrités, en fait. Parce que c'est tout bonnement, c'est des gens qui font leur truc, et puis voilà, tu vois. Et du coup t'as pas ce même recul, tu vois. David Bowie tu le pleures parce que tu le connais que d'un côté, mais toi Bernard Lapoutre tu le connais un peu différemment, tu vois, c'est ça, en fait tu peux faire à peu près le même parallèle parce qu'en fait c'est une image que tu auquel tu as accès, que tu aimes, tu connais pas la c'est personne ça. Physique derrière physiquement ouais, tu alors, peux pas, quand tu vas à Podren, bah en fait tu connais la personne, voilà. enfin on va dire l'image, ouais. Et tu apprends à connaître la personne qui est derrière l'image, la véritable personne. Hashtag est-ce que Gandalf 80 est comme ça dans la vraie vie. Par exemple, j'ai qu'un exemple. Oui. Pas. Il est con tout le temps. C'est-à-dire qu'à Podren, il n'y a pas 8000 personnes. Oui, voilà. T'as vite fait. C'est le sérail. T'as vite fait de mettre un visage sur la voix d'une personne, en fait. T'as vite fait d'identifier les gens. Même s'il commence à y avoir de plus en plus de monde. Oui, mais tant mieux. Mais voilà, c'est un espèce de lien en fait, quand même. Mais oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On peut encore. Il y a de l'humain. Il y a de l'humain, voilà. Je pense que Tocheux serait d'accord avec nous. Il y a de l'humain, ça lui plaît. Oui, je pense à un Tocheux qu'on embrasse et qu'on salue. Clopipo Forever. Wakanda. Voilà. Tocheux, vous inquiétez pas. On fait la bise à Pépé aussi. Hein, parce que il n'est pas sociétaire, mais c'est pas grave. Hein. Mais presque. Parce qu'il est à une parution du sociétaire. Ouais. Bon, j'espère qu'il reviendra, je me fous de sa gueule. Mais... Vous savez que je l'aime bien. Hein. Ah oui, c'est une bonne guerre. Mais c'est comme ça un petit peu aussi dans les familles. Mais oui. Vous avez d'autres choses à dire sur l'Origins? Alors, tant qu'on est sur l'Origins, en général, sur les fins d'épisodes, on essaie de faire des recommandations. Est-ce que par rapport à il y a 6 mois sur l'Origins, est-ce que vous avez des nouvelles recommandations à faire? Oui. Donc toi, tu avais recommandé par exemple One Eye Club, Lionel Camistories, que je reprenne un petit peu, Une fille, un podcast, Passion médiéviste, et c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. On avait essayé de restreindre un petit peu aussi les recommandations. Oui. Donc je crois que par rapport à, par exemple, Une fille, un podcast, par exemple, peut-être, hein, je sais pas si tu peux intéresser à ça, ou au retour de Kikrine. Oui, c'est vrai bah, qu'elle avait quitté un petit peu le monde du podcast. Elle était passée sous les radars. X raisons, on va pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Et elle a fait un side project, bah, un autre podcast qui était Lapsus. Mmh. Qui était plus sur les relations humaines, comment elle avait vécu une certaine période, etc., etc. Et elle s'est remise, elle a publié un épisode de Une fille, un podcast, pas très longtemps. Et du coup, il y a au moins 4 mois, parce que j'ai 4 mois de retard sur les publications. C'est le running gag, ça. Mais c'est ça, en fait, elle est revenue, je crois qu'elle est revenue au début dans les Abyssales. Oui, elle est revenue vers Redscape, ouais. Au niveau du monde du podcast. Et oui. Ensuite, bah, elle a fait Lapsus. Redscape, et elle a fait un épisode sur... du coup, j'ai perdu le nom, ça ne me revient plus. Une fille en podcast. Ouais. Et donc, c'est... Enfin, je n'ai pas écouté, mais ouais, c'est vraiment toujours aussi bien. Là, dans les grosses découvertes et qui m'ont mis, on va dire, une petite claque que j'aime bien, c'est la désémission. Ah voilà. Oui, c'est vrai que c'est bien. Donc, je vous ai fait écouter où c'est un quiz en une heure, mais enfin, un peu moins d'une heure, c'est 40-50 minutes. Et en fait, c'est hyper rythmé. Donc, il y a 4 parties. Il y a le début, le milieu, la presque fin et la fin. Donc vous voyez déjà c'est bien orienté et c'est des quiz en 5-10 minutes et qui va super super rapidement. C'est rythmé, voilà. Ouais. Il s'était présenté l'année dernière au PPA. C'est comme ça un petit peu que je les ai découverts là, ça fait 4 mois, ça fait 1 mois que j'ai découvert en l'ajoutant, parce que j'ai vu que ça remontait par rapport au Podcast Award de ces années. Et du coup je fais j'écoutais, c'est pas long, histoire de me faire une idée. Et bah j'ai bien accroché parce que je me suis fait les épisodes qui sont il y a plus de 4 mois. Du coup j'ai toujours 4 mois de retard, donc du coup j'ai fait tout d'un coup pour mettre dans l'ambiance. Le mec a 8000 heures de retard sur ses podcasts, c'est il a tout encore le truc. Ma carte SD est pleine, enfin, presque pleine. Déjà qu'elle est merde, toi c'est. Il va griller une 14e carte SD. C'est ça. Donc, ouais, si j'en ai qu'un à recommander actuellement, c'est la désémission. C'est hyper cool, c'est marrant. Enfin, c'est des blagues. Ils ont vraiment en plus chaque thématique est bien faite en fait. Donc, c'est hyper cool. Et toi, du coup, Gangalfu Aikeke. Je n'en avais pas parlé la dernière fois. J'ai commencé à écouter. Alors, vous savez que moi, je suis très fan de jeux vidéo. Je suis très fan de. Alors, bizarrement, je suis très fan de viol de chevaux et de réflexion. Deux choses qui sont absolument antagonistes, antagonistes. Mais j'ai commencé à écouter Third Emission. Donc, l'émission de Third Edition. C'est juste un petit peu produit par Fastkill. Parce que certains connaîtront ce nom dans le podcast. Les clairvoyants, Geekzone. Hein. Geekzone en général, les podcasts. Les démons du midi, par exemple, Morceau choisi, qui est pour moi le podcast qui m'a fait vraiment aimer le podcast. Et donc, c'est la boîte toulousaine Third Edition que je suis déjà depuis de nombreuses années, parce que moi je les connais depuis Console Syndrome, donc c'était avant Pixel Love. Donc pour le truc, ça fait belle lurette que je les connais quand même, moi. Et j'ai écouté le dernier épisode avec Exerve. Exerve qui est un youtubeur assez connu, qui parle de pas mal de choses. Et finalement, qui s'est intéressé à l'écriture, parce qu'il a fait un bouquin maintenant sur Diablo, qui va faire un bouquin sur Dead Cell, le jeu de Motion Twins, qui doit sortir fin août. Et qui doit faire un bouquin sur The Witcher. Et voilà, on sent beaucoup d'humains là-dessus. C'est des gens que j'apprécie énormément aussi, parce qu'une fois je suis allé à un festival de musique sur Toulouse, ils m'ont reconnu, ça m'a fait plaisir à ce compte-là. Mais ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et très personnellement, on va dire que j'ai connu une période un peu difficile. C'est pas non plus. C'était pas le bagne, mais on va dire que j'ai connu un peu le chômage, tout ça, etc. Et je me suis. Par le biais d'un certain Azerto. Moi ? Oui, je sais pas. Et surtout d'un certain Benjir qui m'a dit « Oh, tu sais, les droits d'auteur, moi, un fuck. » Hein, on va dire. Et bien, je me suis lancé dans un projet que j'avais déjà depuis quelques années, vraiment pour de vrai, parce que c'était un projet que j'avais depuis 2015. Donc, c'est Up to Eleven, donc c'était vraiment un projet pour... Oh, comment il place sa pub. Bon, je vois ce qui se passe et tout, donc voilà. C'est de ton promo. C'était, voilà, pour moi, vraiment, c'était vraiment le projet où je parlais des musiques que j'aime. Bon, c'est absolument pas inédit, hein. C'est Morceau choisi le fait mieux que moi, par exemple, hein. Je pense qu'il a bien plus de goût que moi, mais voilà, ça m'a un petit peu libéré d'une soupape et j'ai toujours autant de plaisir à faire ce podcast, surtout que certains écoutent Tocheux par exemple, et ça me fait excessivement plaisir de voir qu'on me suit là-dessus, parce que c'est vraiment des délires que moi j'ai, parce que moi j'écoute de la musique que, on va dire que pas grand monde écoute, parce que je suis un petit peu spécial, mais ça me fait excessivement plaisir de partager ça, parce que pour moi c'est pas forcément important, mais c'est très podcast, voilà, c'est vraiment tu fais partager tes trucs, comme Toshu m'a fait partager ses trucs, hein, à l'époque il allait mal, ou il allait un petit peu moins bien peut-être, pour un petit peu mettre de l'eau dans notre veine, on va dire. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir de partager ce genre de choses, et je dis pas que ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Voilà. C'est bien. Dose. Alivacen. Pour moi, du coup, bah oui, morceau choisi, évidemment, le retour de Fastkill sur morceau choisi. Depuis 2015, hein, moi, je, si décembre 2015, je peux te donner les dates. J'ai pas écouté les épisodes récents, là, depuis son retour, entre guillemets. Tu sais que ça a été avec un bonheur non dissimulable. Je me doute que pour toi, ça a été un grand bonheur. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés récemment. Ouais, malheureusement, mais j'espère pour lui que ça va pour lui, c'est mieux. Pour lui et pour les podcasts qui l'accompagnent aussi, parce que je pense aussi par exemple au Démon du Midi qui a eu un petit peu de mal, mais qui se reposait pas mal sur lui aussi. Une petite semaine de retard, mais Fastkill est quelqu'un de très professionnel, de quelqu'un de très humain. N'en doute pas. Voilà. Et je sais pas s'il nous écoutera, mais en tout cas, je le remercie beaucoup pour ce qu'il fait. Après, est-ce que. Enfin, après, c'est un autre débat, mais est-ce que tu dis qu'il y a un retard, mais. Est-ce que dans le podcast, il y a du retard ? C'est ça. C'est pour moi que t'aies une périodicité de tous les mois et que un coup t'as un truc de retard, je fais bah non, c'est. Si t'as envie de publier. Enfin, moi après, c'est ma philosophie. Oui, si t'as envie de publier et que ça sort à ce moment-là, bah tu le sors à ce moment-là. Le podcast reste un humain, le podcast est limité à son créateur, donc Fastkill est un revenu chez lui dans son plat pays, en Belgique. Voilà, en Bruxelles. Voilà, Bruxelles. Et donc on peut pas lui en vouloir, hein. C'est pareil. C'était indépendant de sa volonté, c'est pas lui qui l'a voulu en tout cas. D'après ce que j'ai compris sur Twitter. Ouais, sa copine. Voilà, c'est des difficultés personnelles qui ont fait qu'il a dû revenir sur Bruxelles. Ouais. Il aurait préféré probablement rester sur Paris. Ouais, mais Mais oui, et c'est ça qui est bien aussi dans le podcast, voilà, c'est bien pour ça encore que je reciterai une énième fois Toshu, c'est vraiment pour moi, c'était qui avait dit ça, c'était que c'était vraiment une thérapie, c'était qui fait, oh là là, le chien là. Waterproof, voilà, que j'apprécie énormément. Non, mais c'est vrai, le chien, non, mais c'est vrai, c'est ça. Le chien, waterproof, ouais, c'est ça. Logique. C'est... Non, mais c'est vrai. Le chien qui parle. Non, mais il avait vu juste, hein. C'était une thérapie en podcast. Hein. Et pour moi, ça restera vraiment. Toute ma vie, ça restera une pierre angulaire. Voilà. Et je pense que, voilà, le podcast est finalement tributaire de lui-même, parce qu'on n'est pas. On n'est pas aux pièces, hein, tout simplement. Exactement. On n'en vit pas, on en. C'est un bon plaisir. Je pense que aussi quand il était revenu Fastkill, comme je les ai réécoutés, etc., c'était vraiment une envie de revenir. Il avait vraiment envie d'avoir un truc hebdomadaire ou voilà. Parce qu'à la 288e, on sentait vraiment que c'était la fin, quoi. C'était vraiment la dernière. Puis la 289e, c'était vraiment le retour. On sentait vraiment qu'il avait vraiment besoin de se libérer, quoi. Il avait vraiment besoin de parler de ce qu'il aimait, de ce qu'il animait. Et moi, quand j'ai fait Up to 11, c'était un peu. Voilà, un petit peu, vraiment, je suivais ce chemin. C'est vraiment, j'avais besoin de parler de quelque chose, vraiment parler d'autre chose. Quoi. Et je comprends quand tu fais quoi qui se passe, tout ça, etc. Zertov, je pense que voilà, c'est une espèce de global. On n'a pas un besoin d'en parler irrépressible. Hein. C'est pas non plus, je ne veux pas parler de mes trucs, je suis sorti, je vais mourir. Oui, c'est. Enfin, si tu enregistres un truc et que tu as envie de le sortir, tu le sors. Voilà. Si tu l'enregistres pas et que tu veux pas le sortir, bah, enfin. Voilà. Ça t'appartient. Enfin. Je comprends. Si tu l'enregistres et que tu veux pas le sortir, quoi qu'il se passe. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps de me tout réécouter. Mais quel enculé, tu me sors comme ça, je te dirai rien. Parce que je sais que. Ouais, mais. Là, après, c'est. Ah, mais ça, t'en as pas la même vision. Mais t'es tombé sur la page avec le chien. Oui. En fait, toi, autant sur l'apéro. Ouais, original, tu te laisses un peu. On peut être borderline et tout. Bon, bah, c'est pour ça que t'as gagné 80 dans les films. Ah, après, c'est plus un contrat moral avec moi-même, c'est plus dans les clous, on déborde pas souvent des choses, sauf quand elle est là, bien sûr, Gandalf. C'est-à-dire quasiment tout le temps. Bah, maintenant qu'on est à Radium, ouais, toi, c'est. Mais sinon, c'est à peu près dans les clous, c'est pas gentil dans le sens péjoratif, mais voilà, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, il n'y a pas de mauvaise blague. Ouais. C'est vraiment, bah voilà, on dit juste que bah, ça t'est bien, comment on l'a ressenti et tout. Ouais. Alors que moi je suis plutôt les deux pieds dans le plat. C'est ça, on va pas se cacher. S'il faut mettre un doigt dans la chatte, tu le mets quoi. Dans le poteux, dans le poteux. Dans le poteux. Alors, t'as marqué un numéro sur un pour ce papier, et ça, par contre, je ne suis pas capable. Mais bon, ça, ça. Ouais, ça, il ne pense même pas. Il ne pense même pas. C'est pas qu'il a des piquettes, c'est juste. Signe de, des piquettes avec les mains. Hein. Ouais. Signe de la peur avec les doigts. C'est ça. Donc, ouais, pour en revenir au sujet de base. Oui. On en était sur les recommandations podcast. Alors, oui. Sur ma recommandation à moi, j'avais mis les précédentes expressions Cozy Corner, Kaorin, des démons du midi. Je crois que j'avais name droppé à l'époque, je crois que j'avais name droppé Manga Cast comme ça à la volée. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose. Que j'ai pas de mémoire, mais ouais, c'est possible que tu l'aies. C'est quelque chose que je vous recommande chaudement. Chaudement, voilà, si vous êtes intéressé à la. À l'actualité, en fait. À l'actualité du manga, savoir un petit peu qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est intéressant dans les sorties du mois. Et qu'on a un avis, ouais. Voilà, qui sont des professionnels, plus ou moins. Hein, donc, voilà. Enfin, c'est pas des bics. Voilà, il y a un libraire, il y a une personne qui travaille en tant que graphiste chez Delcourt, dans le podcast. Enfin, il y a une personne qui est ex-cosplayeuse il y a très longtemps, qui avait remporté. Qui était allé, je crois, en Pologne. Qui était allé assez loin. Enfin, assez loin. C'est-à-dire à Clermont-Ferrand. Voilà. Ils sont assez. C'est pas loin Clermont-Ferrand. Arrête, sont... déconne pas. Paris, c'est loin. Ils sont liés au site de news, donc Manga Mag, oui. Puisque Kubo, qui est donc le gérant entre guillemets de Manga Mag, était l'ancien. C'est-à-dire qu'il a un cul à Treyarch. L'ancien patron, et c'était l'ancien patron entre guillemets de MangaCast. Kubo et l'armure magique. Et l'armure magique. J'avais le titre en anglais, et c'est tout string, mais c'est l'armure. Et du string, c'est pour pas se faire violer. Mais enfin voilà, donc il y a deux émissions. Le MangaCast et le MangaCast Omake. Le MangaCast et le MangaCast Omake. Donc un MangaCast qui est un dossier en fait. Entre guillemets, un dossier sur le thématique. Ouais, quand Alf vient de se resservir de prune et il vient de. Ah, ça sent, je pense que dans le micro, vous sentez. Ça doit sentir dans les oreilles. J'ai la narine qui meurt. Parce que d'ici, ça sent, donc dans les oreilles, ça doit sentir. Et donc, le Omake qui est un bonus en fait, entre guillemets. Enfin, le bonus. Puisque ça veut dire bonus en japonais, donc qui est sur les sorties du mois, donc les sorties manga, les sorties animées, les coups de cœur, les coups de gueule, tout ça. Donc voilà, je vous recommande chaudement si vous intéressez un petit peu à l'actualité des mangas et de l'animation. Du manga. Oh, ouais. On est pas après. Hein. Du coup, on passe au deuxième sujet qu'on a abordé. Je pense après. Qu'on peut, ouais. On fait un clap. Il y aura une pause musicale là ? Non. Il y aura pas. Non, on va faire une tous les. Bon, on fout aussi. Ouais, parce que si on fait une pause musicale tous les. Ouais, mais ça doit faire 30 minutes, pas loin, non ? Oui, 36. Non, mais il y a des numéros, on ira plus vite, hein, je pense. Ouais. On verra. Si vous avez entendu une musique, c'est qu'on a fait une pause musicale. C'est qu'on la fera après. Hein. Ça, c'est podcast. Ça, c'est natif. Autour de barbecue. Ouais, ça, c'est natif. C'est ça. Deuxième sujet, donc enregistré le 24 février 2018, le shooter spécial animé. Ah oui. On était revenu plutôt sur les films d'animation. Animation alors, en général. Et plutôt, même classiquement de mémoire, on a fait du long métrage. Du long métrage japonais. Ouais. Je sais plus si on avait parlé. On a peut-être parlé vite fait de Zombillenium. Très rapidement. Je sais qu'on avait marqué dans le conducteur. On avait essayé de ne pas faire que du japonais. Ouais. Tant bien que mal, on avait essayé de faire. Zombillenium, si je devais avoir un mot à dire, regardez-le. Après, faites ce que vous voulez. Là, je pense que j'en aurais pas grand-chose à dire. Ah, la mouche est morte à côté. Le moucheron est mort à côté de la bouteille de prune. Ah si, il bouge encore un peu. Fous-y une coude de prune. Ben, je pense que du coup, pour l'occasion, on va pouvoir parler de trucs pas japonais. Oui. Ah oui. Oui, complètement. Par rapport à nos sorties ciné récentes. Babite. Ah non, c'est pas le film. Bah non, Les Indestructibles. Ah ben par exemple. Oui, c'est vrai. Avec des ficelles grosses comme un camion, mais malgré tout, un film fort attrayant. C'est ça en fait. Enfin, après, c'est difficile parce que moi, j'ai plutôt la culture de pas spoiler ou dès que tu te donnes un élément, au final, tu spoil parce que tu donnes un élément. Mais ouais, c'est. Il y a des grosses ficelles, mais il y a hyper bonnes idées derrière. Tu, même si tu vois le truc venir, en fait, c'est... Il y a quand même un ravissement, voilà. C'est ça, t'es pas déçu, tu vois où est-ce que ça veut venir, mais tu profites quand même de, du film. Au bout de 10 minutes de film, tu te dis, bon, ok, le méchant, c'est lui ou lui. Il n'y a pas trop de choix. Il y a le choix entre deux personnages, bon, t'es pas... T'es pas perdu. T'es pas perdu, t'es pas sur un truc où tu vas être surpris à la fin avec un mindfuck et tout, quoi. Ça, d'un autre côté, ça aurait pu être... pas forcément plaisant, mais justement ça peut être un contre-pied de dire voilà, ouais. On te présente deux personnes, tu te doutes un petit peu que ça va être une de ces deux personnes ou les deux, voilà, mais quand même on essaie de mettre avant, ouais, il y aurait pu avoir un plot twist, dire bon, voilà, en fait non, c'est ça aurait été ça aurait été un peu un perso sorti du sorti du chapeau, c'est une expression pour ça, c'est un peu le deus ex machina, tu vois. Ça aurait été le deus ex machina, parce que du c'est coup... C'est un peu... Je suis là. Ouais, mais après, non, mais... voilà, c'est vraiment un film hyper plaisant, quoi. Franchement, il y a une petite inventivité au niveau de trucs, mais qui ont l'air tout con, mais qui sont... Mais c'est vraiment... C'est un petit régal, quoi. Moi, je suis arrivé à la fin, je savais déjà un peu le truc. Tu dis, bon, lui, comme tu as dit tout à l'heure, lui ou lui, c'est le méchant. Oui. Mais malgré tout, tu y arrives et tu fais... Ben, comme on disait pour le podcast, comme on sort souvent cette expression, entre nous, pour rigoler, tu sais, l'important, c'est pas la destination. C'est pas où tu passes. Hashtag enculerie. C'est très vrai. Mais oui, mais et là, du coup, on était ravis parce qu'on a eu des petites scènes un petit peu qui sont de l'ordinaire, et voilà. Même si tu sais, bon, ok, le méchant, c'est lui, c'est ce perso ou ce perso. Voilà. Il n'y a pas de réelle déception, en fait, à la révélation du méchant. Voilà. Ok, c'était super faux. Oui. Bon, il y avait 50%, quoi. Il y avait 50% de chances que ce soit lui. Tu fais, bon, d'accord, c'est pas grave. Enfin, c'est ça. Je veux dire, le chemin qui t'a amené jusqu'à cette révélation, il était logique et puis. Il était plaisant. Il était plaisant. Tu t'es régalé pendant le film, quoi. C'est ça. Puis en plus, on est dans la partie où on dit, il y a les grosses ficelles. De l'autre côté, il y a les grosses bonnes idées et des parties pris. Ah non, mais il y a des parties pris. Si tu remets dans le contexte de l'année, parce que c'est dans les 1950 ou peut-être un peu plus. C'est ça. 60, on va dire 60-70 au niveau de la datation carbone 14. Mais t'as des idées où t'as la. J'ai plus le nom, parce que moi les prénoms et je les retiens pas, mais la mère. Qui justement est mise en avant. Oui, par rapport et que le père est justement est mis en retrait. Elastic Girl. Est mis en avant par rapport à. Monsieur Indestructible. Où justement, t'as toute une portée où, en fait, c'est la femme qu'on met en avant. Alors que dans cette époque-là, c'était l'inverse. C'était l'homme qui était. Même on va dire quasiment aujourd'hui, c'est. C'était un peu le début des droits des femmes, quoi. Donc, c'est ça, et là, c'est une femme qu'on met en avant. Et c'est. Enfin, tout le film, je trouve, est sur cette idée-là. C'est la femme, c'est Elastic Girl qui est mise en avant tout le long du film. Et puis elle est forte sans être exagérée. C'est ça. Voilà, c'est tout des coups, là. Tout a une certaine forme de logique, tu vois. Il y a une c'est... très forte mise en avant de la femme dans le film. Oui, c'est vrai. Mais tout reste assez logique, c'est coulé. Il n'y a pas vraiment de scène un petit peu où tu dis, mais putain, mais elle est conne en fait. Il y en a un petit peu, je ne sais plus en mémoire, mais je sais qu'il y a des moments, tu vois bien que là, ça va pas. C'est un peu, moi je suis allé voir Mission Impossible Fallout, qui est très bien, qui est hyper bien filmé, qui est vraiment. Il y a des moments que tu te dis, c'est un peu. Oui, alors je savais que lui, il savait. Alors comme je savais qu'il savait, je savais. Et comme il savait que je savais, je savais pas. Ah, alors du coup, je vais faire du name dropping, la fin de Death Note. Comme je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que je sais, du coup j'ai fait ça. Ouais, mais moi j'ai fait ça, quoi. Et du coup, pour te contrecarrer, j'ai fait ça. Les mecs, ça va être tellement, en fait, ils sont tous niqués. Attends, je reprends la deuxième moitié des tomes pour comprendre ce que tu es en train de dire, parce que là j'ai pas suivi. Mais c'est ça qui est au bout d'un moment, c'est les mecs, ça va être tellement. Et... Le duo magique. Merci le duo magique au bata et au bas. Et quand je suis allé voir. T'as plus à lire que dans un roman de Michel Houellebecq. C'est ça. Bah, Michel Houellebecq, à pas dire que les Arabes ils sont pas gentils. Hein, de toute façon. Je vais name dropper ça comme ça. Ça aurait pu dire. T'inquiète pas, je les connais. Guillaume Musso si tu veux. Agatha Christie. Y'a rien à dire. Et ouais, pour aller t'aller voir, Mission Impossible. Et qui est très bien. Hein. au demeurant, quand tu vas aller voir un film qui est hyper bien filmé pour un blockbuster, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Enfin, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est vraiment un petit bijou. Mais ouais, tu vois, c'est un peu. Ouais, il savait que je savais que tu savais qu'il savait, donc voilà. Et au bout d'un moment, bon, c'est un peu relou, quoi, parce que t'as l'impression que tout le monde y savait, tout le monde se tenait par les couilles, et puis d'un coup, il y en a qui a lâché. Il coule comme une maison, il a eu. Après, c'est pas intersectionnel avec les gens qui ont pas de couilles. Hein. Ils peuvent se faire exploser la chatte s'ils veulent. Hein, je suis pas sectaire, hein, mais on va dire qu'il y en a qui ont des organes génitaux un petit peu compressés. Hein, voilà, et que ça leur a fait. Les gonades un peu compressées, et que ça leur a fait un petit peu des douleurs qui leur rappelleront des souvenirs pendant longtemps. On va dire. Est-ce que tu veux dire que Henri Cavill a perdu sa moustache ou Eh bien, il y a des scènes de baston qui sont hyper bien filmées. Il y a des scènes d'un hélicoptère qui sont vraiment impressionnantes. Et pourtant, en même temps, Mission Impossible sans hélicoptère, c'est pas impossible. Ah, c'est vrai. Pour avoir vu le 2 qui est chien comme la mort, quand il met ses lunettes, Tom Cruise, ça va mieux. Parce que t'as de dire que le 2, c'est une merde. Est-ce qu'il y a une musique The Who à la fin ou pas du tout? Yeah non, pas du tout, je sais pas. Lui met ses lunettes par-dessus ses lunettes. Mais ça, c'est le 2, ça. Il met ses lunettes par-dessus. Et ouais, et non, pour revenir aux indestructibles, c'est vrai qu'il est là-dessus. C'est vrai qu'en termes de scénario global, on va dire, il reste quand même très prévisible, mais en termes de narration. Il est vraiment impeccable. Mm. On sent vraiment la patte Pixar, on sent vraiment qu'ils ont envie de raconter des trucs. On sent que c'est du Brad Bird aussi, d'ailleurs. On sent que c'est vraiment hyper rythmé, tout ça, etc. Je pense que quand j'ai parlé de Mission Impossible, c'est pas pour rien, parce qu'il a fait le Protocole Phantom, le 4. Qui est vraiment, si vous voulez regarder un film et que vous voulez voir Simon Pegg au niveau Next Plus Ultra. Mieux que dans Shaun of the Dead. Ouais, je pense, ouais. Parce que franchement, Simon Pegg, il incarne vraiment ses personnages, vraiment il a vraiment un sacré niveau, quoi. Et dans Protocol Phantom, franchement, je pense que la scène où il monte l'immeuble, c'est vraiment un gros moment de cinéma. Et je pense que c'est indestructible 2 et il y a vraiment des très bonnes idées, voilà. C'est vraiment, si vous voulez voir un film à plusieurs, je pense que c'est vraiment peut-être. Est-ce que mieux que le 1, je sais pas, parce que le 1 utilisait des thématiques au niveau de du fan un peu angoissé. C'est donc ça celui qui avait fait le premier déjà a priori. Brad Bird, oui. C'est Brad Bird est vraiment le premier indestructible. Indestructible. Ouais, premier indestructible. Ratatouille également. Ouais, Ratatouille aussi. Brad Bird est vraiment un réalisateur à suivre. Vraiment, il a fait vraiment une très belle chose. Et le Indestructible 1 au niveau de la compréhension du fan à l'époque était vraiment hyper précurseur. Parce que si je vous rappelle, le méchant, il a le 1, en fait, c'est un fan de Monsieur Indestructible, en fait. Oui, c'était le roux, là. Je sais plus comment le roux, c'était le sidekick, enfin, l'assistant, en français. Ça, ouais. C'était le Robin de c'est Batman. Ça. C'est ça. Et Indestructible. Il vit très mal la chose. Il en même temps, mais... avec le recul, ce quel film... Robin. Ouais. Ah oui. Et avec le recul, ce film a une perspicacité assez. Et merci qui n'y pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ce film est d'une vérité assez encore pour l'époque et encore assez vraiment assez criant, je trouve. Enfin, là-dessus, il a peut-être un petit peu vieilli au niveau de la technique. Ouais, voilà. Le premier indestructible, je pense. Oui, parce qu'il est comme légèrement vieilli. C'était quand 2012. Ah, non, plus que ça. Ah ouais. Je crois que c'est le film. 10 ans, je pense. Hein. Je pense que c'est le film après The Good Life. Je vois que le Babysitting Jack, donc le bébé, ouais. Il est ouais. De 2005. Mmh. Oui, je vais reprendre. Oui, il est plus récent. Je l'ai pas vu non plus, mais c'était le film sur. Ouais, non, mais je crois que c'est. Babysitting Jack. Ouais, du Little Jack. D'accord. Je crois qu'il est juste un petit peu plus vieux que Mille et Une Pattes. Et c'était déjà le deuxième ou troisième film que... Si, il est indestructible. Il 2004. 2004, 15 ans à peu près. Quasiment 4 ans. Et Mille et Une Pattes, si tu recherches, il est une date de quand? Mille et Une Pattes est une 2002, je crois. Plus vieux que ça, non? Non, il est 2002, je crois. Et parce que Mille et Une Pattes, je crois que c'est le deuxième ou troisième film après Toy Story, en fait. Après, ouais, Toy Story aussi... Toy Story 98 et... Mille et Une Pattes, ouais, ça mais fait 20 ans. D'accord. Ouais. Mmh. Mais c'est pareil, c'est des monuments. Hein. C'est pareil, Toy Story, le 2 a été un petit peu décrit à l'époque parce qu'il ouvrait des thématiques un peu ouvertes, mais il est quand même chouette. Et le 3, c'est Ah, les Toy Story, globalement, sont pas mal. Hein. Ils sont vraiment. Moi, je sais que le 3 m'a retourné. Moi, je sais que le 3 à l'époque m'a vraiment. Je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment. Le 3 m'a retourné. Pour mettre un petit peu dans le contexte, le 1, c'est on découvre un petit peu le héros. Mmh. Le 2, ils ont déménagé et il y a des. Il y a des très bonnes thématiques. Nouveaux personnages qui arrivent. Oui, il y a la raison. Il est plus délire que le 1. Ouais. Et le 3, il est vraiment. Le 3, c'est la garderie, c'est ça ouais. Le 3, c'est la garderie, ouais. C'est quand Andy est se sépare trop de ses vieux jouets. Et il c'est se ça. Sépare. Ses jouets et toute la thématique que derrière ça enclenche et la fin du film, moi, c'est vraiment. Moi je sais que moi et ma sœur on a été vraiment retournés par ce film. Pourtant on a 14 ans d'écart, mais on a vraiment été retournés par le film. Je pense que Toy Story a une portée au-delà des âges en fait. C'est ça, la thématique que ça transporte derrière est vraiment plus que. Voilà. Tu parles quand même de jouer d'enfance. Voilà. Tout le monde a eu une enfance. Tout le monde est touché par ce film. C'est ça. Même quel que soit ton âge en fait. C'est ça, ça touche vraiment. À ce que tu étais quand tu étais enfant et que ça donnait vie à tes jouets. Mais ma soeur, quand elle est allée le voir, elle avait quoi, 10 ans, même pas, bien moins que ça. Et elle a vraiment été. Le film l'a retourné. Et quand elle le revoit encore, à 14 ans, elle est encore retournée. Et c'est ça qui me. Vraiment, je me dis, vraiment, la portée de ce film est vraiment impressionnante. Quoi. La thématique du 3, c'est vraiment où tu passes de l'enfant à l'adulte. Mais c'est exploité d'une façon hyper intelligente. Et moi, c'est vraiment, ça fait partie. Tu sais, pourtant, je suis. Il y a des films que je veux pas revoir parce que je sais la fin. Tu vois, je sais la fin. Je sais comment ça va se passer. Tu sais le chemin et t'as pas besoin de revivre tout ça. Celui-là, je sais que ça serait une gageure de le revoir, par exemple. Parce que je sais qu'il me porterait, tu vois. Parce que je sais le message qu'il porte derrière, tout ça, etc. Et c'est vrai que le message à la fin où il donne ses jouets, parce que c'est ça, en fait, la fidélité de tout le film, c'est ça. Hein, parce que après, il faut pas. Le reste, c'est que de l'enrobage. Hein. Et pour moi, ça a vraiment été. Vraiment, je suis sorti du cinéma, j'étais pas bien, quoi. Oui, mais t'as la portée, en fait, d'héritage. C'est enfin, ça, c'est ça. C'est vraiment tu le. Tu donnes un jouet que tu as une vie avec, tu donnes à quelqu'un d'autre. Ouais. Pour qu'elle ait tu sais continue qu'ils à vivre. Voilà. Avec qu'il complètement différent, mais que, voilà, il continue à vivre. Et c'est. C'est très fort. C'est hyper fort, ouais, sur les Toy Story. Ouais, c'est vrai que c'est des films hyper intéressants. C'est vrai que les Pixar, la plupart, ont une. Ils ont cette réputation d'être très adultes en étant des films d'animation pour enfants. Quoi. Comment il s'appelle celui qui est dans la tête de la fille aussi là Upside Down. Ouais, qui est vraiment. En français, le truc où il y a les émotions, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui. Pareil pour là-haut. Je sais plus. Oui, L'introduction est juste. Enfin, vraiment, c'est. Comme je l'ai dit, presque Kurosawa n'aurait pas osé. Non, mais sans déconner. C'est vraiment narrativement, c'est vraiment le bout de quelque chose. C'est vraiment. Les mecs. Vraiment, là-haut, tu peux le résumer à cette scène d'introduction. La scène d'introduction de là-haut, pour moi, c'est vraiment une sorte de pinacle du cinéma. C'est les mecs les mecs, ils racontent avec... Il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est pour ça que moi, c'est bizarre, ça, hein, quand je parle de musique, tout ça, de BD, tout ça, je ne suis pas très texte. Parce que pour moi, l'émotion pure... Vice-versa. Vice-versa, voilà. L'émotion pure, elle passe sans texte. Mm. Pour moi, l'émotion pure passe sans texte. Le texte, pour moi, c'est qu'un... C'est vraiment quand t'arrives pas à expliquer quelque chose. Quand t'arrives à expliquer quelque chose sans texte, c'est que t'as tout... C'est pas que t'as tout compris, mais c'est que t'es vraiment à l'essence de ce que tu voulais raconter. C'est pour ça aussi que je pense que pas mal de Ghibli au marché, tout ça, etc., malgré la traduction un petit peu erratique, on va dire, c'est que derrière, il y avait quelque chose à raconter. C'était pas de l'animation... pour faire de l'animation, c'était vraiment comme Poponko. Hein. C'est vraiment, on avait quelque chose à raconter. Mmh. Voilà. Et dès qu'on a quelque chose à vraiment raconter, sincèrement, comme un film d'Albert Dupontel, ça part dans tous les sens, hein. Mais il a sincèrement quelque chose à lui raconter. Et là, de suite, tu te dis, ben le dialogue, en fait, il a vraiment... C'est un peu le sel, tu vois, c'est un peu le piment d'Espelette sur quelque chose qui est déjà bon, tu vois. Mais je rigole, mais c'est vrai. Secondaire. Ouais, c'est secondaire, voilà, c'est un peu ce qui t'aide à vraiment comprendre un peu plus, mais tu l'aurais pas, t'aurais compris quoi, 90% là-bas. 80% hein, bon, dans le, comme c'est le 80-20, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de films, Akira, tout ça, c'est pareil. C'est le texte, enfin, moi, est-ce que tu te rappelles de phrases d'Akira? Non, tu te rappelles du contexte, tu te rappelles de trucs épiques, tu te rappelles de Ghost in the Shell, je sais pas, tu te rappelles de questionnement en tant que tel. Et de la musique aussi. Ah oui. Surtout, parce que dans Akira ou Ghost in the Shell... Ben c'est pareil, pour être allé voir Totoro, moi Totoro m'a pas laissé une... Enfin, je vais pas me lever un matin en me disant, ouais, je vais voir Totoro. Et, par, est-ce que je vais me lever un matin en disant, est-ce que je vais écouter les musiques de Totoro? Mille fois. Je crois que c'est le meilleur boulot de Joe Hisaishi, mais et pourtant Dieu sait qu'il a fait des trucs bien. Dieu sait qu'il a fait des trucs bien, mais dans Totoro. Je sais pas, c'est vrai que la musique de Totoro. Mais toutes pour moi, c'est vraiment toutes à chaque fois. Et elles sont d'un à-propos et d'une puissance, mais c'est assez impressionnant. Je pense que c'est là que le film marche, hein, parce que moi après le film m'a pas laissé. Il est quand même très très orienté enfantin. Voilà. Je pense qu'on est. On est allé le voir par curiosité, ouais. Mais je pense qu'on est trop âgé pour l'apprécier en tant que tel. Enfin, ouais. pour qu'il ait une portée sur nous, en fait, ouais. Pour qu'il ait une réelle portée sur nous. C'est ça, et est-ce qu'on n'a pas vu d'autres choses après qui ont eu des messages plus forts? Ce format, oui. Je pense aussi dans le contexte où tu vois Totoro maintenant, aujourd'hui, alors que tu as vu des trucs. Bon, qui se sont inspirés de Totoro, ouais. Qui ont des messages autant ou plus forts, où ils se sont inspirés, ça n'a pas la même portée. C'est possible. Après, je pense qu'on. June et la voix du cœur. La voix du cœur, enfin, vraiment une portée symbolique. Enfin, c'est vrai que c'est très fort. Hein. Enfin, je pense que c'est un film fort, mais que pour notre âge, on a 28-29 ans. On est des vieux, puis on l'a vu trop tard en fait pour nous. Enfin, moi ouais. C'était la première fois que je le voyais. Je pense que pour vous c'était la même chose. Pareil. Voilà, on l'a vu trop tard. Ça reste un très très un excellent film d'animation. Ah oui, il y a très bonnes idées, une bourrée de. Qui est vraiment à mettre devant les plus jeunes en fait. Je pense que Totoro et Ponyo sur la falaise en termes d'animation japonaise Ghibli. Je pense que c'est la porte d'entrée la plus facile en fait. Ouais. Et les deux ont des musiques, enfin vraiment Totoro, moi les musiques voilà, m'ont retourné. Mais Ponyo aussi, la musique de Ponyo elle est excellentissime quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Mais enfin voilà, et c'est vraiment des films sublimes. Bah, c'est vrai, je suis en train de repenser le premier Ghibli que j'ai vu, c'est Princesse Mononoké. Moi c'était le château ambulant. Moi j'ai toujours pas vu le château ambulant. Moi dans mon cœur ça reste mon préféré. Il faudrait que je le revoie, mais vraiment le château ambulant, c'est le premier que j'ai vu de Ghibli et il m'a vraiment il m'a vraiment marqué ce film. Je pense qu'en fait le premier Ghibli qu'on voit marque. Ouais. Princesse Mononoké et je sais, j'ai vu au cinéma quand il est sorti en France, donc ça va être 2000, je crois que c'est 2000, il est sorti en 97 au Japon et il est sorti en 2000, je crois que c'est 2000. Et je sais que, enfin après, la réaction française, c'est ma mère a fait, mais c'est pas un film pour enfants. Enfin non, c'est pas un film. De toute façon, on pourra il toujours. Il est marqué 97. Après, je sais pas. Les Ghibli, on pourra toujours inventer ce qu'on veut derrière. Ils sont toujours. 2000 en France. Toujours 2000. Quelque chose à raconter. Toujours. Même les voisins, les Yamada, ils ont toujours quelque chose à raconter. Toujours quelque chose à raconter. Il y a toujours une morale. Sous-texte, il y a toujours une morale qui est très forte dedans. Et ça, on ne pourra jamais l'enlever. Que ce soit Takahata, que ce soit Miyazaki, que ce soit un autre. Que ce soit son fils à Miyazaki, toujours une morale. Très forte. Mais là-dessus, Ghibli on pourra. Ou pas, hein. Hein Ghibli ou pas. Hein. Ghibli tu ou prends, pas. Tu prends les. Même Marie. Les Shinkai, ou. Enfin, que ce soit Makoto Shinkai. Mais ce qui est bien avec les Japonais, voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont ce sens de l'imagerie. C'est-à-dire que pour eux, l'allégorie n'est pas un frein à la création. Quand on regarde Your Name, qu'on regarde Paprika, qu'on regarde Blue Perfect, etc., on est toujours dans des genres différents, mais il y a toujours une allégorie quelque part. Toujours une volonté. Enfin, vraiment, le point de départ, c'est quelque chose à raconter. Makoto Shinkai, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça. Il a vraiment quelque chose à raconter avant de faire un film. Il n'y a pas de il fait pas Your Name parce qu'il avait deux trois idées qui traînaient sur un papier. Non, il y avait vraiment, une idée derrière. Vraiment une volonté de, voilà. De toute façon, tout ce film Your Name tourne autour du lien. C'est d'une puissance phénoménale. Si on s'intéresse à ça, il y en a qui ont fait des fils des Twitter, hein, des threads à Twitter, mais agavé, hein, parce que il y a tellement d'idées autour du lien en tant que tel, vraiment le lien entre deux personnes, entre des trucs, etc. C'est hyper puissant. Et il y a vraiment toujours cette volonté, vraiment, de vouloir raconter quelque chose. C'est vrai que des fois, avec les films européens ou les américains, des fois, on met un peu de la gaudriole pour de la gaudriole. Tu vois, un peu de... on dilue un peu, tu sais, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, écoute, c'est pour les gosses, c'est pas bien grave. Tel Transylvanie. Voilà, c'est ça, Hôtel Transylvanie 3, voilà, par exemple. Agnès l'a vu, elle a bien aimé. Ah, mais ça vaut ce que ça vaut. Ça a l'air très très bien. Mais... Oui, mais après, c'est pas forcément mauvais pour mauvais. Mais avec le recul, tu te rends compte que c'est bon, ben voilà, c'est un peu. C'est, voilà, c'est de la gaudriole. C'est du divertissement. Oui, c'est ça, c'est du divertissement. Il n'y a pas plus de portée que ça. Il n'y a pas plus de portée que ça. Alors que dans les films japonais, quand même, pour la plupart, parce que bon, je pense après, il y a un peu plus gogol, hein, mais il ne faut pas déconner non plus. Mais il y a toujours cette volonté de vouloir raconter quelque chose. Parce qu'à un moment, quand tu rentres le tombeau des Lucioles, je pense que s'il n'y a pas la volonté de vouloir raconter quelque chose là-dedans, dans un film, je crois que ça fait partie des pires films en durée qu'on puisse voir, mais en durée humainement. Je sais que c'est une épreuve. Je l'ai toujours pas vu, je sais pas si je le regarde. Ouais. Il faut que je le vois. Moi, je sais que c'est une épreuve. Je sais qu'il faut que je le vois. Et je sais que les Japonais là-dessus, ils ont toujours un sens de l'imagerie. C'est pas pour rien que les costumes de samouraï étaient grandiloquents. C'est pas pour rien que tout le monde avait sa signature, entre guillemets, à une époque. Tout ça ne découle pas de rien. Les films de Kurosawa sont bourrés d'imagerie à un point que ça en est presque dégueulant. Mais franchement, il y a des idées. Tu te dis, c'est pas. Franchement, le premier Kurosawa en couleur, mais il y a des plans. Mais tu te dis, mais c'est. Aujourd'hui, tu te dis, dans un Avenger avec je sais pas combien de pognon, ce serait pas possible de faire un plan aussi inventif, quoi. Il y a des trucs, à un moment, la couleur arrive dans ce film, mais tu te dis. Mais oui, tu te dis, mais la couleur est là. C'est parce que des fois, tu vois des films en couleur, pour toi, c'est logique. À l'époque, c'était vraiment le passage en couleur de Kurosawa. Alors, ce film a d'autres défauts, dont je ne parlerai pas. Mais la couleur arrive d'une façon, tu te dis, putain, mais oui. C'est tellement frappant. Ça qui est bien avec les Japonais, c'est qu'ils ont une maniaquerie, mais ils ont un sens de l'imagerie, quand même, qui est... Voilà. Il est quand même au-delà. Et c'est vrai que les films d'animation ont ce petit côté-là. C'est pour ça peut-être aussi que Zombielennium aussi, je pense que... On va peut-être en parler pour finir. Qui est un très bon film. Voilà. Il a derrière une imagerie, il a un sens de vouloir raconter quelque chose. Il a aussi, surtout, une vraie fraîcheur. Moi, c'est surtout ça qui m'a plu, c'est qu'il était fait sincèrement. Il n'était pas fait pour appâter les enfants, il n'est pas fait pour appâter les adultes, il était fait sincèrement. Bah. C'est ça, et je repense à un truc, c'est... j'avais Joe the Barbarian, mais c'est pas le titre, c'est le... Ronan the Barbarian. Ouais. Où c'est pareil, le techniquement, tu vois que c'est un petit peu daté par rapport à l'année. Un petit peu cheapos, quoi. Voilà, un petit peu cheapos, parce que mais tu sens que les mecs, ils sont là... pour s'amuser, justement. Enfin, toutes les références où bah, c'est des métalleux qui se fouettent les fesses pour avancer plus vite et à chaque fois, ils disent aïe. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça où c'est des barbares, mais... Les Masaaki, c'est pareil. C'est décérébré, mais... Enfin, c'est dans le bon sens, en fait. C'est, mais oui, voilà. Tu sais que c'est comme ça et mais, tu exploses de rien. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois, peut-être une dizaine de fois. On a dû voir peut-être 2-3 fois ensemble. Là, je crois que je l'ai vu, je dois avoir vu 2 fois, moi, je pense. Bah, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu bien. Je passerai, il est là, mais c'est mais c'est ça qu'on reconnaît la sincérité. Un film sincère, tu peux le regarder plusieurs fois et tu trouveras toujours du sens. C'est ça, et c'est pas, tu peux le regarder plusieurs fois, et même techniquement, s'il est un petit peu vieilli ou qu'il est un petit peu vieux. C'est à ça qu'on reconnaît un bon film. Enfin, tu peux passer outre en fait. C'est à ça qu'on reconnaît une bonne œuvre de toute façon, en général. Il a combien du coup? Il a 4-5 ans? Non, plus que ça. Pas plus que ça. Non, non, Ben c'est à ça qu'on reconnaît une œuvre qui est fondamentalement sincère à ce qu'elle veut raconter. Moi, mes films préférés, mais je rigole pas, mes films préférés sont tous des moins des années 70. J'ai Ikeru, de Akira Kurosawa, qui est de 1956, je pense. J'ai Mon oncle, de Jacques Tati, qui est vraiment un putain de chef-d'œuvre. J'ai Yojimbo. Les Jacques Tati en même temps. C'est très tu aimes ou tu détestes hein, Jacques Tati. Oui, enfin, moi j'en ai pas vu, mais je sais que ma mère déteste les films de Jacques Tati. Et après j'ai Yojimbo de 1971. Et j'ai, pour moi, qui est vraiment THE monument du cinéma. Pour moi, c'est vraiment le film que je pourrais revoir à l'infini, c'est Le salaire de la peur. Avec Yves Montand de 1964, je crois. Et pour moi, c'est des films qui ont une. Même si aujourd'hui tu le revois, les plans, il y a certains, c'est. Putain, tu te ris, quoi. Quand tu vois les doublages, tu vois les trucages, mais tu ris, t'es obligé de rigoler. T'es obligé de rigoler, pour toi c'est daté. Le copyright sur le DVD de ouais. Ronan le Barbare, c'est 2011-2012. Ah ouais ? Moi j'en ai plus vieux. Après, je sais pas, c'est parce que c'est Einstein film et. Einstein, c'est pas Weinstein, c'est Einstein. Tu avais pas. C'est. Ouais, c'est. C'est quand même, bien 6 ans, quoi. Ouais. Ah, je voyais plus vieux, tu vois, je voyais 2008. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, de 2011 sur le DVD en lui-même, donc c'est les droits. Ah, faut que je te le prenne. Okay. Bah, tiens. Et. Bétiens, ah bah, hop là. Quand j'aurai le temps, bien évidemment. Tu comprends bien que j'ai déjà parlé des scènes samouraï. Et pourtant, tu sais que c'est un chef-d'œuvre. Casse pas ton. Ta chope. Je vais arrêter de jouer. Oh, il est rentré au festival d'Annecy. Bon, ben, j'aurais. Bah, oui. Et oui, voilà, on va dire que. Ouais, je pense qu'à la rentrée, on fera un truc sur les séries d'animé. Parce que, oui, bon, ouais, on va parler des séries. Full Metal. on va faire une heure sur Full Metal Alchemist. Alchemist, ouais. C'est vraiment. Ouais, non, mais il y a. Enfin, des fois on dit souvent ouais l'animation c'est pour les gosses, non pas du tout. Enfin, c'est pareil quand Kirigou, je peux le rendre à l'infini, parce que vraiment il y a une portée ce film. Oui. Il a vraiment un besoin de raconter quelque chose. Bah, c'est là que t'as une différence entre la culture, on va dire, européenne, française, voilà. Et la souvent, culture japonaise où c'est. Enfin l'animé c'est juste un média. Enfin c'est pas destiné aux enfants, c'est juste un média quoi. L'animé, on va dire qu'au Japon a des portées. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà un outil de propagande, etc. Oui. Il avait déjà un vécu un petit peu. Voilà. Oui, mais c'est, gros vécu. C'est ça en fait, c'est juste. Chez nous, c'est pas. Voilà. Niveau. Enfin. Là-bas, des pubs en animation, ça fait pas peur à quelqu'un. Ici, chez nous, des pubs en animation, waouh, trop le futur. Oui, et puis c'est pour les enfants, quoi. C'est de la. C'est ouais, dessin animé. C'est le premier. Du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite pause? Un petit point sur Neuroco et on fait une pause musique. Je sais pas, comme vous voulez. On peut faire ça. Ça fait on n'est pas rentré chez nous, est-ce qu'on n'est pas rentré. Est-ce qu'on parle 2 minutes de Nike is Short ou pas? Allez, vas-y, je te laisse. Bah, tu parlais de cinéma d'animation pour les adultes, je pense que Nike is Short rentre vraiment dans ce credo-là parce que tu fais voir Nike is Short Welcome Girl à un gamin. Il comprendra pas. Je suis pas sûr qu'il comprenne quoi que ce soit au film. Déjà que le film est quand même assez hyper épais. Tellement c'est barré, ça ouais. Part dans tous les sens. Déjà que nous. Ouais. C'est dingo. Ouais. Mais c'est à voir. C'est vraiment. Enfin. C'est du Masaaki Toshi. Voilà, c'est du Masaaki Yuasa. Donc, voilà. Lou et l'île aux sirènes. Par exemple, My Game. Vraiment, je pense que Lou et l'île aux sirènes, c'est une exception dans son œuvre. C'est vraiment un truc pour les enfants. C'est la porte d'entrée. C'est voilà. Mais pour moi, ça reste un petit bijou. Alors, oui, c'est un bijou. Ça, je suis d'accord. C'est son Pogno sur la falaise. Il y a beaucoup de monde qui le compare à Pogno sur la falaise. Je connais des gens qui n'ont pas voulu le voir, Lou et l'île aux sirènes, parce qu'ils disaient. Oui, non, ça ressemble trop à Lou et l'île aux sirènes. C'est mon film coup de cœur. Ça reste vraiment mon film coup de cœur. Je pense que tu devrais jeter un coup d'œil. Ouais. Mais je pense que dans l'œuvre de Masaaki Yuasa, pense que Nike is Short est plus quelque chose représentatif de son œuvre. Ah oui, complètement. Toi qui as vu Ping Pong The Animation, je pense que. Ping Pong The Animation, c'est le. On va dire que ici, je suis le dilettante de l'étape. C'est-à-dire que pour moi, un truc. Qui ne vaut pas le coup d'avoir regardé, je rate même pas. C'est-à-dire que je prends même pas la peine, je perds même pas mon temps, c'est pas la peine. Pour moi, les séries, si ça dure trop longtemps, si ça a rien à raconter, ou si c'est dans le premier épisode il se passe un truc et dans le dernier épisode il se passe un truc, pour moi, c'est même pas la peine. Je regarde un Kurosawa, il y a bien plus de trucs, je suis bien content. Si j'ai regardé Ping Pong The Animation de bout en bout et que je dis je suis resté sur le cul devant certaines idées, mais vraiment il y a certaines idées, tu te dis mais. Et pourtant c'est des mecs qui font du ping-pong, c'est con comme la lune, il n'y a rien, c'est sec. Et tu te dis, il y a des trucs, tu te dis, waouh, putain c'est fou. Déjà le générique, tu te dis, waouh, putain c'est fou. C'est vrai qu'après c'est un petit peu différent en termes de, bon, forcément de narration, tout ça, etc. C'est pas le même rythme, tout ça, etc. Mais c'est vrai, pour avoir vu Nighty Short, j'étais ravi. Parce que c'est vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose à raconter, même si c'est foutraque. Même si ça part dans tous les sens, tu sens que le mec, ils avaient envie de raconter quelque chose et qu'en plus ils avaient envie de le raconter. C'est ça. Ils avaient envie de le raconter parce qu'à niveau animation, il y a des plans tellement ouf que moi je suis resté sur le cul. Et pourtant, Dieu sait que j'étais déjà resté sur le cul devant Loup et l'île aux sirènes, qu'il y a des plans complètement ouf qui m'ont laissé complètement pantois. Ah bah là... Où j'ai failli me lever, le père qui court dans la ville là pour sauver sa fille. Voilà. Moi j'étais. Alors... Oh le père qui court dans la ville et la danse sur la plage. La danse voilà. Sur la plage et la sorcière et la vieille femme aussi qui allait sur le bateau. Oui, à la, voilà. La fin. Ah, mais j'ai failli me lever, moi. Ma soeur, elle a failli avoir honte. Moi, j'ai failli me lever, applaudir. Tu prends ces trois scènes d'Anne Willis Chirin. Ouais. Nighty Short, c'est ça sur une heure et demie. Ok. Il y a des plans tellement ouf. Mais tellement. C'est ultra barré. Dingo, tellement ça part dans tous les sens et c'est barré. Ça dure une heure et demie. Et tout retombe sur ses pattes en plus à la fin. Et tu les vois pas passer. Mais tu les vois pas. C'est rythmé, mais vraiment, vraiment. Moi, je l'ai râlé. Pour deux, je l'ai râlé en anglais. Je l'ai râlé en anglais. Un sous-titré anglais. C'était quand on avait fait l'épisode, je voulais le râler exprès. Du coup, bah, s'il avait commencé à être, ils avaient dit, on va le sortir en France, patin bouffin. Sauf que rien n'était réglé. Ouais, entre temps, moi, je l'ai acheté en DVD, j'ai pu le voir en sous-titré français. Je vous ferai passer le DVD. Voilà. J'ai encore oublié aujourd'hui. Ouais, du coup, j'ai compris la moitié. Mais moi je me suis resté complètement pantois dans ce film. Après, le texte a une importance, je dirais, un peu secondaire par rapport à l'image. Je pense que tu peux très très bien comprendre ce qui se passe, rien qu'avec l'image. Complètement. Tu peux vraiment comprendre la quasi-totalité. Il y a tellement de idées tellement foutraques qui vont tellement donner des sens, mais. Oh pff, la foire au livre, quoi. La foire au livre, on a rendu fou. L'arc d'après avec la comédie musicale pendant la fête de lycée. Mais c'est... Et même encore, quand le mec est malade, mais c'est complètement. Il y a des idées d'animation. Il voilà, y a une lecture, une relecture, une re-relecture à faire. Enfin, vous pouvez le voir X fois et à chaque fois, vous aurez une lecture différente du truc. Et pourtant, Dieu sait que les graphismes sont basiques. Ouais. C'est des aplats. C'est vraiment des aplats. C'est des couleurs, des ronds. Ce perso, il est de cette couleur. Il n'y a pas de contraste, pas de nuance. Oui, les ombres, on n'a rien à voir. Tu compares à un Ghibli, c'est sec comme un colorifique. Voilà. Mais il y a ce truc en plus que tu sens que les mecs derrière, ils se sont marrés pour faire ça. Loup et l'île aux sirènes, c'est pour ça qu'il m'a plu. Parce que je sens que les mecs derrière, ils ont tripé à faire ça. Ils se sont dit, on va faire ça. Parce qu'on va faire ça, et puis merde. Alors désolé aux auditeurs pour le pic, hein. Non, mais parce que les mecs, ils se sont dit, on va faire ça. On va pas faire ça parce que, ouais, tu comprends, on n'a pas d'argent pour les effets spéciaux, on n'a pas d'argent pour ceci, on n'a pas d'argent pour ça. Tu sais, toujours une excuse. Et les mecs, ils se sont dit, on va faire ça, et puis merde. Et puis c'est ça qui est bon. Du coup, on passe aux recommandations. Ben oui. Oui, on peut. Très vite fait. Moi, ça va être une série animée qui a commencé il y a 4 semaines maintenant, qui est Anebado. Donc, c'est un animé disponible sur Crunchyroll et actuellement, il y a 3 épisodes de disponibles pour les comptes gratuits et 5. Je crois qu'il y en a 5. Il est sorti aujourd'hui Il me semble avoir. Ça sort le dimanche à 18h. Moi, quand j'ai vu, il restait le 4 qui était encore en premium. Et le 4. Il y en a 4 ou 5. Ouais. Au moment où on enregistre, il y en a 4 ou 5, je sais plus. Ouais. 3 sur, parce que j'ai vu le 3ème. Et franchement, le premier épisode, donc c'est un animé sportif sur le badminton. Qui est animé de ouf. C'est ça, déjà c'est. Avec ça, déjà. Merde, j'ai perdu le studio. Je te laisse chercher. Le meuble. Et le premier épisode, pendant 20 minutes, c'est pas que j'étais à cran, mais j'étais dans un état de stress, d'envie, de. Ah, ça c'est rare. Hein. C'est ça parce que j'ai fait. Enfin, J'ai fait un petit peu de badminton quand j'étais plus jeune, en plus du sport au collège. J'avais fait en club très très vite fait le soir. L'UNSS, quoi. Non, l'UNSS. Non, en dehors, je faisais pas de... Moi j'allais au cinéma le mercredi après-midi, c'est pas la même chose. J'allais me faire sucer par des buts. La Tau. Ouais. C'est un studio Lidon Films. C'est pas un petit, enfin, c'est pas démiqué quoi. Comme pour prendre ton expédition, c'est voilà. Pas tellement démiqué non là. Donc c'est pas le genre à démiquer là. Et en fait le premier ça m'a, ouais, je voulais voir, enfin est-ce que, enfin je vraiment... sais qu'elle allait rejoindre le club, mais pourquoi, comment, c'était viscéral dans le truc. Pourquoi elle veut pas, ça m'a vraiment scotché. C'est viscéral. Franchement, le refrain sur l'opening. Une perle. C'est vraiment un bijou. Alors, ça sera la pause musicale. Voilà. Franchement, mais allez voir juste au moins l'épisode 1 pour voir l'opening et le refrain sur l'opening avec l'animation qui est somptueuse. L'animation refrain. Vraiment que le refrain. L'animation a l'air. C'est. J'en ai parlé vite fait avec Randall parce qu'ils avaient, il y avait un compte qui avait montré justement l'état préparatoire. Il y a eu un article qui a été fait sur Crunchyroll, justement sur les animés sportifs. Donc il y avait du Free qui était sur la natation. Sur la plongée, la natation. Et il y avait du Anebado. Et il y en avait un troisième, je sais plus ce que c'était. Et il te montrait en fait les étapes. Les animations, les storyboards, je sais plus comment ça s'appelle vraiment. Les Nemu, mais animés en fait. Mmh. T'avais vraiment juste les traits et les déplacements, et t'avais le comparatif entre l'étape préparatoire et le rendu quasi final. Et tu dis, ouais, putain, juste avoir ça, ça te fout la chair de poule. Mmh. Et Free, Randall disait que. T'as des plans en fait en 3D, t'as un moment, un mec qui plonge dans l'eau, qui. Début de la course, et il est sur le starting block, je sais plus comment ça s'appelle, pour sauter dans la piscine. Et en fait, t'as la caméra qui tourne autour de lui. Ouais. Donc lui, il est dessiné en 2D classique, et tout le décor est en 3D, et même l'eau. Et sur un plan, on dit, putain, mais c'est hyper ouf parce que tu vois pas la 3D. Généralement, quand c'est des plans comme ça, tu vois clairement. Mais surtout avec les Japonais, parce que la 3D, les Japonais, ça a jamais fait pour l'instant bon ménage, hein, trop. Tu le voyais bien. À un moment, le voyais sortir de l'eau, tu voyais que l'eau, elle était pas net. Tu vois, tu te tamponnais la narine avec l'index. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur. Il y a quelque chose. Le moment, le plan où il plonge et qu'il nage et que t'as la caméra qui tourne autour de lui, c'est assez impressionnant. C'est ouf, ouais. Donc regardez Anebado, c'est gratuit sur Crunchyroll. Anebado, Angela. Bon, moi, je vais peut-être prendre la Valorant. Moi, je dirais juste The Anime de sport. Pour moi, c'est Ping Pong The Animation. Pour moi, c'est vraiment. Alors, faut pas être réfractaire au design un peu qui sort de l'ordinaire. C'est des traits, c'est que des traits. Hein. C'est que des traits, voilà. Déjà, de toute façon, tu le vois dès le générique. Hein. C'est vraiment c'est sec comme un coup de trick. Et pourtant, Dieu sait que je suis difficile avec les séries, parce que moi, j'en regarde zéro. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, s'il n'y a pas un début de bout de suspense immense, je regarde même pas, je ne m'en bats les couilles. Moi, je suis cinéma. Et. Dieu sait que tous les jours, quand j'étais au chômage, c'était vraiment, je me retenais pour regarder un par jour, tu vois. Des fois, je me disais, bon, allez, je m'en fais deux. Je suis un fou, je m'en fais deux. Et c'est un putain de bijou. C'est coup comme la lune, parce que ça a vraiment rien à raconter en tant que tel. Faut pas s'attendre à ce que le mec, à la fin, il fracasse la lune, à ce qu'il se passe des trucs d'ontologie. Non, c'est con comme la lune, là. La fin est con comme la lune, d'ailleurs. Vous attendez pas un truc... pas du tout. Mais alors, moi, je suis resté scotché devant la qualité de l'animation, devant la qualité de ce qu'il y avait à raconter, la qualité des personnages, surtout, qui sont stéréotypés, mais ciselés comme il faut. C'est impressionnant, ça me fait penser à Cowboy Bebop, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. On va un shooter sur l'animation, sur la série d'animation. Pour ça. Voilà, parce que Cowboy Bebop, je pense qu'on peut en parler en large et en travers. Alors moi, je vais tricher. Vous avez triché en parlant de séries d'animation ou de films d'animation. Alors moi, je vais tricher en parlant de A Silent Voice, qui n'est pas sorti, en fait. C'est bien de faire de la pub. Au moment où on enregistre cet épisode, le film n'est pas sorti. J'ai cru entendre qu'il devait sortir fin août. Oui. Le tour du 22, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Foncez. Franchement, s'il passe à côté de chez vous, je vous le recommande. L'un des meilleurs mangas. Fortement. Qu'on puisse lire. C'est vraiment une histoire formidable sur qui est adaptée. Hein. C'est une adaptation. Attention, ça reprend pas le manga trait pour trait. Non, c'est pas là pour, de toute façon. C'est pas le but et c'est très bien comme ça. Ça parle du handicap. Ça parle d'une fille qui est muette et qui est martyrisée dans son enfance au collège et de la rédemption du personnage qui l'a martyrisé pendant son époque d'école, en fait, qui va essayer de raccrocher un petit peu les wagons, qui va la retrouver au lycée pour s'excuser, qui entre-temps a appris le langage des signes, pour essayer de communiquer avec elle et pour essayer de lier une amitié avec elle. Donc, je vous le recommande très fortement. Les bandes annonces sont ultra prometteuses au niveau de l'animation. Ouais. Ça a l'air vraiment magnifique. Sur ce mangaka fait que du bon. Voilà, l'histoire est vraiment top. L'histoire est adaptée de manga d'une... Je sais pas son nom en tête. Donc, elle a fait The Silent Voice et Eternal. Elle a fait To Your Eternity. To Your Eternity qui est un petit bijou aussi. Ouais, qui est vraiment un bijou qui est... Et en plus, elle est d'une jeunesse confondante, je crois qu'elle est hyper jeune. Je crois qu'elle a moins de 30 ans. Ouais, elle a moins de 30 ans. Semble-t-il, elle a 29 ans. Ouais. Même pas. Franchement... Et elle, c'est vraiment, c'est une. Avec, je pense, celle qui fait Full Metal Alchemist, c'est vraiment une étoile très prometteuse du manga, franchement. Mais To Your Eternity, c'est vraiment un manga qui joue tellement avec vos sentiments. Ouais. Vous allez avoir un arc qui va durer un tome et demi avec des personnages. Et au bout d'un tome, un tome et demi, bam, les personnages meurent, les personnages disparaissent et vous allez vous retrouver, boum, avec un nouvel arc, des nouveaux personnages. Vous n'avez même pas le temps de faire le deuil des personnages précédents que vous allez directement vous attacher aux nouveaux personnages. Un peu comme... Et c'est ça de tome en tome. Et c'est vraiment dur au niveau des... sentimentalement, en fait, puisque ça va très très vite, en fait. Ça me fait penser. Mais ça va très vite, mais tu t'attaches énormément au personnage. Oui. Et donc, voilà. Ça me fait penser à ce que bientôt, on devra avoir l'adaptation de Pluto du Rosawa. Qui est pour moi le... Franchement, le... Je pense qu'avec avec Silver Surfer Requiem... Ça fait partie des trucs qu'il faut au moins avoir lu une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment les trucs où je suis resté, et c'est rare avec des BD ou avec des mangas que je sois resté vraiment transi, que je suis vraiment resté à la fin, ce souffle coupé, parce que pour moi, plutôt du Urasawa, ça reste le pinacle du manga que j'ai lu. Je me rappelle de deux tomes avant la fin. Voilà, bon, on va dire que c'est assez classique, hein, comme dénouement pour un personnage, mais c'est raconté d'une telle façon que on va dire que c'est brillant. Voilà, on va dire autre chose. Ah, il y a fuite à l'arrière du peloton. On va passer à l'épisode suivant. Enfin, ouais. Du coup, on va faire une petite pause parce que ça fait presque une heure et demie. Enculé, on est pas rentré. Hein. L'opening de Année Badou. Donc c'est l'artiste, le groupe, je sais pas parce que j'ai pas recherché, Yurika. Yurika. Et le nom de l'opening, c'est Futari no Hane. Hane. Hane Badou. A tout de suite. bah c'était bien cette petite pause. Des pauses comme ça, moi j'en voudrais tout le temps. Et est-ce que ça vaut la pause de du summer du podcast entre les deux mois? On sait que les mecs ils sont plus plein que des huîtres, oui, tout à fait Thierry. De quoi allons-nous parler maintenant? La Switch? Il me semble que c'est la Switch de mémoire. Ouais, c'était la Switch. Dans le mois de mars. Bon, ben ça fait déjà un an, ça fait déjà un an et demi, presque. Pas loin de même. Doucement, mais sûrement, la Switch. Pas des records, mais elle a quand même, comme disait Oscar Le Maire, un Noël de moins que la Wii, que la GameCube. Donc on est quand même sur des scores très prometteurs parce qu'on suit les courbes de la 3DS et de la GBA. Mm-hmm. Bon, ça restait quand même hyper prometteur pour une console qui vaut quand même. C'est pas une console à 2 balles. Elle est toujours à 300 euros. Ah bah elle est toujours à 300 balles, très facilement. Parce que dans, de lancement c'était 320. Elle a même augmenté 300. parce qu'elle était donc 320, elle est fastoche. Donc c'est pas une console qui est à. Voilà. Ça me fait un peu rire quand je vois des bundles. Waouh, 380 euros pour la console et deux jeux. C'est le prix de base. C'est le prix quoi. Il n'y a pas de réduc. Mais t'as quasiment deux jeux, c'est à 60 euros le jeu. Non, les jeux sur Switch sont plus à autour des 40-45 euros. Ouais. On dépasse rarement les 50 euros. Il me semblait qu'ils avaient. Oh, c'est peut-être sur les gros titres, genre Zelda et Mario qui sont un petit peu plus élevés. Même les Zelda et Mario, il me semble que c'était du 59-54. Si tu les achètes à la préco, t'as des prix. Après, si tu les achètes plus tard, comme on en avait discuté avec mon ami Asto, c'est quand même un petit peu plus. Tu peux les douiller si tu les achètes tard. Si tu les préco, tu les as à un maximum 45 euros. Voilà. Parce que Kirby et Mario Tennis Ace, maintenant, ils sont un petit peu chers, ils sont plus près des 60 balles. Et ça fait quand même un petit peu chier. Quoi. Un petit peu cher. Voilà. Alors, depuis cet épisode-là, j'y ai pas hyper joué, mais je sais qu'il y a des petites sorties qui sont hyper intéressantes. Je sais que déjà que les jeux ND, ça y va. Franco de port, d'ailleurs. Oui, oui. Bon, je sais qu'il y a par exemple Dead Cell qui sort en boîte, qui va sortir. Il y a Moon Lifter aussi qui va sortir, qui sont des jeux hyper intéressants. Okami HD. Okami HD, Undertale aussi qui doit sortir en boîte aussi. Pas de date annoncée. Pour l'Europe en tout cas, il n'y a pas de date annoncée, mais ça j'y fais attention parce que maintenant je suis passé finalement de la Vita, je suis passé à la Switch maintenant. Pour les jeux sous blister. Oui, voilà, les jeux sous blister. Parce que autant te dire que le seul truc que je laisse pas sous blister, c'est les nénés. Évidemment. Et bon, ça, pour dire qu'il n'y a plus de blister. J'y ai pas trop rejoué depuis parce que y a eu, voilà, les jeux qui sont sortis récemment, j'y ai pas hyper accroché. Donc Kirby était pas top. Je sais que Mario Tennis Ace a eu un peu de mal. Mitigé. Voilà, je sais qu'avec les dernières mises à jour, c'est du mieux. A priori, sur Mario Tennis Aces, la partie tennis est très agréable. Ouais. Tout le reste est pas top, quoi. Voilà, que les dernières mises à jour, ça, ce qui paraît, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai pas été hyper enchanté, donc on va dire que j'étais un peu plus enchanté sur les jeux de la première année. Mm-hmm. Voilà, globalement. Mais maintenant, il va sortir un petit Monster Hunter, par exemple. Donc moi, je suis très friand. J'y joue très peu, parce que je sais que c'est un peu les temps modernes. Hein. C'est un peu c'est les rouages qui tournent dans tous les sens, c'est plein de trucs, et puis après, tu mets le doigt dedans, c'est foutu. Donc, c'est comme les MMO, en fait. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. C'est un vieux MMO, mais. Solo, mais. Pas massivement multijoueur, c'est 4 maximum, quoi. Une fois que t'as mis l'autre dedans, c'est foutu. Et après, donc voilà, il y a ce petit Dead Cell aussi qui me fait très plaisir, de Motion Twin, dans le bureau. Le studio bordelais, qui reçoit finalement, au fur et à mesure, pas mal de critiques très élogieuses. Donc, moi qui suis très roguelike, tout ça, très jeu un peu brut, tu vois. Moi, j'aime les jeux très bruts. Ça a toujours été ma marotte, ça. Moi, j'aime pas les jeux un peu raffinés, tu vois. Mais est-ce que tu aimes les films sur les gladiateurs? Ah, ben oui, il y avait des poils là sur la poitrine. Donc, putain, j'en ai des poils là sur la poitrine. J'espère que tu trouves ça joli parce que. Après, pour les détails. Les poditeurs ou les poditeuses, je ne suis pas sectaire. Ou les poditrices non binaires, ou les poditeurs non binaires. Elles ne feront pas remarque de cette diligence. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai envie de dire diligence. Et on va dire que voilà, il y a quelques jeux, et puis évidemment, il y a le Dragon Ball FighterZ. Ouais. Voilà, qui est pour moi vraiment mon petit bijou, parce que moi, vous savez, autour de la table, moi je suis le jeu de combat par excellence. Moi, c'est vraiment mon pinacle à moi, c'est tout. je laisse la main à mon ami Asto, qui a toujours se raconter, mais... Tu n'as pas acheté de Switch? Non, toujours pas. Taf, toujours pas. Et ouais. J'ai toujours pas fini Zelda. Est-ce que tu as avancé Zelda depuis le mois de mars? Non. C'est comme la pupille, quoi, ça vient pas. Quoi. Déjà depuis le mois de mars, en mars, j'y avais pas touché depuis. À côté de mon bureau, parce que j'ai joué un petit peu en étant au lit, mais au final. Au lit ou non? Ou mon lit. On lit, on lit. Ah oui, mais ça c'est fan de BD. Donc moi, depuis le mois de mars, qu'est-ce que j'ai pu faire Céleste. Oui. Voilà, Céleste. Parce que tu l'as fini. Mon jeu de l'amour, alors. tu parles comme Pipo, là. Oui, je fais mon Pipo. Je l'ai fini, et je l'ai pas fini. Tu parles comme Pipo. Céleste, il y a 7 chapitres. Une fois que vous avez fini 7 chapitres, vous avez fini le jeu... Aircote, voilà. Vous avez fini le jeu. Petit lapinou. Voilà, petit lapinou. Mais il y a un 8e chapitre. Ah. Il y a des cœurs à débloquer dans les 7 chapitres. Plus aussi dans le 8e chapitre. Et il y a des faces B à débloquer. Moby. J'attendais là au passage à moto. Il y a des faces B à débloquer dans les 8 chapitres. Et une fois que vous avez fini les 8 faces B, il y a des faces C. Ouais. Qui sont. Voilà. Sachant que le jeu, il est compliqué. Je l'ai fini en une dizaine d'heures. C'est un score dont je suis plutôt fier, même si je vois des speedrunners qui le finissent en 35 minutes. Mais bon, c'est des speedrunners. Hein, voilà, on n'est pas câblés pareil. Voilà, les mecs qui ont farmé. Ouh, t'es quelqu'un que j'ai un gros câble. Ils l'ont farmé comme pas possible. Et quand je regarde à la SGDQ, Summer Game Zone Quick, il y a eu un run sur Céleste avec un TAS, donc un Tool Assisted Speedrun, donc un robot en fait qui a fait le jeu. Qu'il a fini en 28 minutes, tu le regardes, tu fais waouh, moi je suis hypnotisé quoi par le truc, je l'ai regardé 3 fois déjà. Ah, mais c'est un jeu hypnotisant. C'est... Mais de toute façon, le mec il dit non, mais ça c'est pas possible humainement, il y a que le bot qui peut le faire. Hein. D'accord, ça va alors. Mais le truc finit le jeu en 28 minutes. Bon, bah, moi j'ai mis 10 heures et 10 minutes. J'ai mis 9 heures et 10 minutes. J'en suis à une vingtaine d'heures maintenant. Mmh. J'en suis donc à la phase B du chapitre 8. Oh putain, oui, c'est déjà. J'ai fini les phases B des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm-hmm. J'ai souffert. Énormément. J'ai beaucoup souffert. J'en suis à plus de 10 000 morts dans le jeu. Voilà. J'ai regardé un playthrough de la phase B du chapitre 8 parce que là je commence à désespérer. Et j'ai vu le truc. Et je me suis dit non. J'y arriverai jamais. C'est pas possible. Donc je vais persévérer. J'ai vraiment envie de persévérer sur au moins sur ces phases B. De persévérer et la mer tranquille. J'ai au moins envie de finir les phases B. Les phases C, je pense pas avoir la capacité de le faire. Ah non, mais les phases B, c'est les phases C. Mais du coup, tu débloques ces phases là une fois que t'as fini tout le. Une fois que t'as fini les 7 chapitres. Ouais. Tu débloques le chapitre B. Oui. Face A, hein. Voilà, on est sur la face A. Oui, tu débloques le chapitre B. Pour accéder au chapitre B, il te faut 4 cœurs. Les cœurs, ils sont cachés dans les 7 chapitres. Plus version A. Version A, il y a dans chaque chapitre, que ce soit du 1 au 8, il y a un cœur qui est caché. Plus dans les 8 chapitres, il y a une cassette cachée qui débloque la face B. C'est des cassettes audio, en fait, si tu veux, en gros. L'audio a beaucoup de sens dans ce jeu. Ouais, voilà. Et donc, en fait, tu peux récupérer aussi des cœurs en finissant une phase B. Donc, si tu déverrouilles une phase B et que tu finis la phase B, tu vas déverrouiller un cœur. Quand tu as 4 cœurs, tu peux déverrouiller la phase A du chapitre 8. Dans le chapitre 8... Avec 4 cœurs, tu déverrouilles la phase A du chapitre 8. Le chapitre 8... Je l'ai terminé, j'ai récupéré la cassette face B du chapitre 8 et le cœur planqué du chapitre 8. Sauf que j'avais pas assez de cœur pour accéder à la face B du chapitre 8. Puisque pour accéder à la face B du chapitre 8, il faut tous les cœurs que tu peux récupérer jusque-là. C'est-à-dire les 4 du A et les 4 du B. Les 8 des faces A, des chapitres 1 à 8, plus les 7 des faces B des chapitres 1 à 7. Ah oui, quand même. Pas mal. Et à ce moment-là, tu peux accéder à la phase B du chapitre 8, qui est ignoble. Et une fois que tu as fini la phase B du chapitre 8, tu déverrouilles automatiquement les phases C. Et c'est pas possible. Même un humain n'y arriverait pas. C'est pas possible. Oh bah, il y en a pas beaucoup sur les aussi loin. Je sais pas comment faire. Il y en a qui connaissent que la musique. Hein. Voilà. Et c'est très dur. Ouais. Mais je perds pas espoir. Bon bah, c'est pour jamais. C'est un jeu qui est ultra frustrant par le fait que tu vas mourir de n'importe quoi. Tu vas mourir d'un mur de pique. Tu vas te dire, putain, mais qui sont cons ces putains de développeurs? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mettre un mur de pique là? C'était pas déjà assez dur ce putain de jeu de merde? Et une fois que tu vas passer ce tableau, en fait, ce petit passage, ce petit truc, tu vas te dire, alléluia, j'ai réussi. Et là tu vois ce qui t'attend, tu fais, je vais jamais y arriver. J'arrête le jeu, c'est pas possible. Et puis tu vas mourir 2000 fois, tu vas te dire, mais pourquoi ils ont mis ce mur de pique? C'est comme un putain. Puis tu vas y arriver. Et puis, etc. Ainsi de suite, ouais. Ainsi de suite, jusqu'à ce que t'as fini le jeu. Ce qui fait que t'as un sentiment, en fait, de... C'est un espèce de je t'aime moi non plus, tu vois. C'est Oh, tu expliques bien. Voilà, tu détestes le jeu, mais tu l'adores. Oh, bah, je sais, il est tellement charmant. Voilà, il est tellement... Il veut tellement se faire aimer et détester à la fois, c'est ça. C'est un jeu... Les musiques sont... Ouais, ouais, déjà. Les musiques de Mademoiselle Lena Raine qui est... Et bien les faces B ou C, c'est les faces B, remix. Voilà, qui sont des remixes. Alors je vous conseille... Il y a du Ben Crumpty, je crois, il y a du... Il y a du Tumelo, enfin, ouais, vraiment des... Déjà quand tu dis Tumelo, ouais, déjà j'ai envie de me suicider. Déjà quand je dis Tumelo, il y a Pipo qui est en train d'éjaculer, le pauvre. ce mec est un génie. Ce mec est un génie, tout simplement. Donc... Allez voir le Bandcamp de Lena Raine, tout simplement, vous trouverez l'album des musiques plus l'album des Fast P qui est également dispo. C'était de l'eau ou de la prune? Non, c'est le troisième prune. Troisième, hein? Oui. Mais enfin, voilà. Je me sens vivant. Je vais m'arrêter là sur Céleste, je pourrais vous en parler des heures, je pense. Que... Après, qu'est-ce que j'ai pu faire sur... Switch, est-ce que vous avez testé Switch Labo, Labo... Ah, Nintendo Labo, non pas non. Du tout. Nintendo Labo. Nintendo Colabo, oui, pardon. Je veux dire, un peu cher. Encore. Ouais. Voilà. 70-80 balles. Attends, si c'est pour démonter quelque chose, vous montez quelque chose, t'inquiète pas, il y a une petite qui vient. Alors, de plus en plus, il y a de la compatibilité. J'ai vu qu'il y avait une compatibilité avec Mario Kart notamment, oui, avec la moto sur Mario Kart. Ça peut être fun. Et du coup, quand tu dis compatibilité, tu fais la mobilette avec. Avec ton. Tu construis le guidon. Tu construis le guidon de la moto de Mario Kart. T'es cassé le guidon. Tu construis le guidon en fait, voilà. Ok. Il y a une espèce de compatibilité et a priori de plus en plus ils ont pour objectif de développer des espèces de compatibilité avec d'autres jeux, probablement des grosses licences Nintendo. Oui, ce qu'ils développent en interne. Les mecs sont pas bêtes. Hein. Il faut quand même qu'il y ait un lien, tu vois. Tu vas pas jouer avec un Nintendo, un truc en carton, moi, Céleste, hein, c'est pas possible. Hein, parce que. Il y a pas d'intérêt, il y a pas de. Non, ça sert à rien. Il faudrait voir, parce que je pense que dans le Nintendo Labo, donc t'as le guidon, t'as la canne à pêche, t'as le piano. Non, parce que maintenant, il va y avoir encore l'extension du mois de septembre, voilà, avec les véhicules. Encore pas mal de trucs, il y a le robot, il y a la petite voiture. Il y a le robot. Alors le robot peut avoir un intérêt avec des jeux de baston. En fait, c'était le projet Mecha qui devait sortir sur Wii U il y a... C'est ça. Moi, j'avais entendu sur, je crois, le podcast La Cartouche, où il disait que ça c'est intéressant, par exemple, d'avoir une compatibilité avec ARMS, qui est une licence Nintendo. Peut-être ça serait sympa d'avoir une compatibilité avec ARMS. Il y aurait peut-être un intérêt, quelque chose à creuser. Peut-être surtout que ARMS peut-être du gameplay. Ouais, peut-être déjà sur le coup. Plus, Surtout que ARMS est à deux doigts de rattraper par exemple les ventes de Street Fighter 5 par exemple. Ouais. Ce qui est quand même pas une gageure parce que. Mais du coup, pour expliquer ceux qui connaissent pas, donc Street Fighter c'est vraiment un jeu de combat de versus c'est le jeu des papas fighting un peu 2D quoi, ouais, c'est ça. C'est le jeu 2D, des papas, ouais, pour schématiser c'est le jeu des papas quoi. Et ARMS, pour grossièrement et très rapidement, c'est un jeu de boxe amélioré ou du punch out un peu fun, c'est ça, sauf que 3D. Avec des arènes 3D, voilà. Il cache bien plus que ce qui n'y paraît. Qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Voilà, avec les mises à jour et tout, il s'est amélioré de ouf, à ce qui paraît, comme Splatoon 2 d'ailleurs. Et moi, c'est pour ça que je me tâte à l'acheter, malheureusement, il ne baisse pas trop. J'aimerais bien le choper à 45 euros, ça me plairait très bien, parce que moi qui est très jeune baston, ça me plairait bien. Mais visiblement, il a bien plus d'un atout dans sa manche. Mais ouais, visiblement, donc il rattrape Street Fighter V. Qui est pourtant le haut du panier. Bon, je pense que bientôt il va se prendre une quille avec Super Smash Bros Ultimate, mais tout ceci est un autre monde, bien évidemment. C'est un jeu que j'attends avec une impatience, on va dire. Ah, que beaucoup de monde attend avec une impatience. Dans le jargon, on appelle ça une killer app. Ah, bah carrément, mais pour moi, oui. Ouais, ça va être. De toute façon, la Wii U, je l'avais acheté que pour Smash Bros. Moi, la Switch, c'était pour moi, c'était quand Smash Bros sort, c'est bon, c'est rentabilisé. Ouais. Ça va être la killer app du Noël 2018. Voilà, pour moi, pour moi, les Smash Bros, c'est vraiment c'est mon Noël à moi. Toi. Non, mais vraiment, pour moi, moi, je joue depuis le 1. Je joue depuis le 64. Hein. Moi, je les ai tous fait. Et je les ai tous torchés à mort. Et c'est pour moi, c'est vraiment, c'est Noël. Bon, pour moi, le Melee était vraiment le plus what the fuck. Bon, il était tellement pété que j'en pouvais plus. Quoi. Et encore, quand je vois les mecs jouer, je me dis, mais il est encore plus pété que quand moi j'étais pété. Alors que le Brawl, il est pété, mais pas dans le même genre. Tu peux, en fait, si tu prends Metanite, si tu craques. Donc, ouais, pour moi, enfin, moi quand ils vont sortir, soit ça va sortir, pour moi, c'est. Enfin, zéro réflexion, ça va être DLC, ça va être tout. Quoi. Pour moi, il n'y a pas ça. Pour moi, le Wii U et le 3DS, je les ai torchés, ça va être torchage. Il y a zéro. Moi, je sais que là-dessus, j'aurais zéro retenu. Quoi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de Splatoon. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester le DLC? Ah, le DLC, le Octopass. Octo Extension. Non, j'ai pas eu l'occasion parce qu'il est sorti assez récemment, finalement, par rapport à la date où on sort le podcast. Je crois qu'il est sorti au mois de juillet. Et c'est une extension solo. Solo, oui. Ouais. Mais qui te rajoute quand même des trucs en multi. Tu peux débloquer des trucs. Et force est de constater que je ne l'ai pas testé, mais il y a quelques avantages. Ça a l'air d'être un peu moins con que le mode de base, qui est de refaire des arènes un petit peu avec des armes différentes à chaque fois, ce qui est un petit peu pète couille. Surtout que tu en as 6 ou 7 différentes, donc autant te dire que c'est pète couille version 7. Il m'a fait de l'œil. Il a l'air très sympathique. Et Splatoon 2, en tant que tel, reste un jeu qui est pour moi vraiment hyper intéressant. Que ce soit le mode Salmon Run, où on fait du coopératif pour se battre contre des espèces de monstres un peu costauds. Je suis monté de rang, je peux dire, autant dire que j'ai été surpris par la difficulté, mais vraiment, agréablement. C'est très dur, mais bien, tu vois, parce qu'à un moment, t'as des espèces de moucherons qui t'attaquent, tu t'y attends pas. Tu te dis, peut-être pourquoi il y a des moucherons autour de moi. Et là, t'as tous les mobs qui t'attaquent. Mais qui t'attaquent vitesse. Genre branlette, tu vois. Les mecs, ils y vont, cache, quoi, tu vois. Tu te dis, enculé, qu'est-ce qui se passe? Et direct, tu crèves, tu vois, tu fais, enculé, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un sacré grave au niveau. Faut un minimum de stratégie. Faut un minimum de stratégie, tout ça, etc. Il faut être un petit peu préparé. Et c'est vrai que Splatoon 2, moi, m'a. Par rapport au 1 qui avait une maniabilité un peu bancale, il m'a vraiment agréablement surpris. De temps en temps, je m'y remets et j'avoue que quand j'étais au chômage, ça m'occupait bien. Oui. Du coup, des recommandations pour la Switch? Céleste Super Smash Bros Ultimate qui sortira. Et moi, rien parce que je l'ai pas et. Bon. Céleste. Voilà, Céleste. Voilà. Double Céleste. Double Céleste. Oh, mais ça va pas tarder, hein. C'est comme Fury, ça va pas tarder. Hein. La suite, c'était quoi la suite? C'était la bière. Déjà? Oui. Déjà? Oh, mais on va pas avoir grand chose à dire parce qu'on en a pas découvert. On n'a pas découvert depuis des soirées parce qu'on n'a pas eu de festival, rien. Peut-être que notre ami Asto peut nous faire un compte rendu de ce qu'il a brassé. Ouais, non, si on peut faire un compte rendu sur. Enfin, Asto avait déjà brassé, mais moi, du coup, j'ai vu comment ça se faisait et ça m'a. Bien donné envie d'en ça faire un. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait c'était facile. Enfin, de mon point de vue. Avant que je décède. Le plus long, c'est attendre que ça infuse. C'est ça, en fait, c'est. Enfin, attendre deux fois une heure que ça infuse, c'est tout. Oh, mais faut manger ça. C'est oui, j'ai pas coupé, parce que c'est juste le morceau de Ferran, mais ouais. Mais ouais, donc on avait fait une IPA. Une IPA, ouais. Qui est toujours prête, mais que j'ai toujours pas bu. On testera ça pour une vraie occasion entre nous. Hashtag aussi, nous on vient aussi au chevier, c'est quoi. Oui. Et ça, c'est l'heure. Et donc, du coup, ouais, donc c'était à Saint, donc on a passé une après-midi à le faire, temps de discuter, faire en place et tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment simple de le faire en fait. Enfin, c'est con, mais faut suivre la recette. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est, enfin, ça paraît pas comme ça, mais enfin, je leur dis, mais c'est simple. Enfin, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est dans le kit, il y a tout pour le faire en fait. C'est ça, ils l'ont assez bien pensé. Je le savais, mais en le voyant, tu te dis, ouais, putain, ils ont vraiment pensé à tout, à comment le faire et comment gérer. Leurs kits sont bien... bien... pas le périmètre, mais ils sont bien faits pour que ça, voilà, que ça rentre pile poil, entre guillemets, dans le, ce que tu veux faire selon ton kit. Si c'est du 5 litres pour pouvoir faire 3 litres, c'est ça ? Un peu c'est plus. Ça, 5, ouais, 3 litres. Et ils ont donc... un kit 10 litres et un kit 25 litres. Et ils ont pas sorti un truc 50 Non, c'est 25 le plus c'était, gros. C'était 25 ouais. Ou c'est vraiment, là, c'est vraiment le truc exceptionnel où faut pouvoir chauffer 25 litres d'eau. Ouais, quoi, faut avoir le matériel derrière. Ah bah plus, parce que pour faire 3 litres, tu fais 5 litres. Donc, c'est que pour faire 25, pour 25, 25 il te faut, oui. Ouais, il te faut un récipient qui puisse contenir 30-35 litres. Quoi. Donc, voilà, c'est vrai que quand ça monte sur quelque chose. Il faut une marmite, une sacrée marmite. Quand j'en avais discuté justement avec Lucas, quand ils avaient posté ces grandes boîtes, oui, on l'avait évoqué, il me semble, dans l'interview. Ouais, et ils avaient dit, ouais, on l'a sorti. Enfin, pour faire style, quoi, c'est pour voir. S'il y avait, il y avait une demande, quand même. Après, il y avait une demande, mais voilà, après, c'est trouve, quoi, pour les mecs qui sont un peu barbus, quoi. C'est ça, à mon avis, pour des gros kits comme ça, qui sont plutôt des kits première main pour se faire la main, justement. Enfin, faut peut-être passer sur du vraiment haut de gamme ou meilleure gamme que Beemaker, qui est vraiment juste pour faire des tests comme ça. De l'initiation. Voilà, c'est de l'initiation. Où tu fais ça avec ta propre goutte, enfin avec ton récipient de coke 10 minutes ou avec une grande casserole. Enfin, faut derrière, il faut du matériel un petit peu pro, quoi. C'est ça. Quelque chose. Ouais. J'ai sûr qu'elle est passée 30 litres. Parce que là, tu fais, t'essayes d'être le plus rigolo possible, mais bon, c'est un peu approximatif aussi. Quand t'as la température d'un potage, on te dit qu'il faut être à 68 degrés. Bon, bah, t'essayes d'être entre 66 et 70 degrés, quoi. Tu fais un peu comme tu veux, parce que. Enfin, comme tu peux surtout, parce que quand t'as 3 litres et demi d'eau, bah, t'as de l'inertie. Donc, tu fais chauffer, et des fois ça monte, tu fais, ça y est, je suis 70, bam, tu coupes, et tu fais, ça continue de monter. C'est vrai que du coup, pour l'IPA, l'eau était plus chaude que ce qui était préconisé. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. La température. Ça m'oublie. Hein. Mais après, j'étais à 2 degrés de plus. Bon, après, ce qui est vraiment, c'est énorme. Sur du brassage amateur comme ça, en très très très très petite quantité, enfin, tu dois pas le voir quand t'es en amateur comme nous. Quand t'as plutôt l'habitude, tu dois peut-être voir la différence. Et encore, je suis pas sûr. Parce que, à la mise en bouche. C'est ça, c'est le kit, c'est un. Kit première main, enfin c'est pas du top qualité, top. Le kit, mais ça le fait, ça fait l'affaire quoi. Le kit c'est vraiment pour la fermentation, c'est tout quoi. C'est pour la fermentation et après c'est les ingrédients. Enfin je veux dire, le matériel pour faire ton empotage, pour faire ton ébullition de houblon, c'est ce que t'as dans ta cuisine. C'est ce que t'as dans ta cuisine quoi. C'est ce qu'il disait, c'est la philosophie, c'est voilà, ils. La philosophie, c'est de voir comment ça se fait. C'est voir comment ça se fait et on a forcément quasiment tout ce qu'il faut en cuisine. Mm. On a juste besoin du réservoir pour la fermentation. J'ai toujours une grosse touillette. On a juste besoin du. Une grosse touillette. Non, pas de la grosse touillette, mais du récipient pour la fermentation qu'on n'a pas forcément. Et c'est, le kit, c'est ça en fait. C'est ça. C'est tout con, mais c'est simplement ça. Déjà, c'est bon. Donc ouais, c'est pas mal. Et on rappelle toujours qu'il y a le code promo Apéro Original qui donne 15%. APEROriginale. Et là, normalement, en post-production, vous avez le bruit Motus. Et il n'y a pas de promo pour une sextape à Gondal, par contre. Parce que ça, c'est... ça, c'est gratuit. Hein, moi, non, c'est pas gratuit. C'est même contre les conventions de Genève et tout. si les mecs ils veulent partir avec trou de balle dans trou de balle, eux aussi, voilà. Ou les femmes, hein, d'ailleurs, je suis pas sectaire. Enfin, bref, les gens non-binaires. les gens point médian eux. les gens point médian eux, ils font ce qu'ils veulent avec leur trou de balle, et puis s'ils viennent me voir, ben faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils n'aient plus rien. Voilà, après on n'a pas encore eu l'occasion de goûter, donc c'était pillé. Oh, ça viendra bien. Du coup on avait fait 5 bouteilles pleines et une 6ème. Non, on a fait 3 et demi. On a fait 4 bouteilles. J'ai goûté la 4ème bouteille. Ouais, donc était le fond de la cuve. Était une demi-bouteille, donc le dosage de sucre était pas bon, et qui était un fond de cuve, donc il y avait pas mal de dépôts de malt, donc il y avait un fort coup de malt quand je l'ai goûté. De ce que je goûtais, c'était prometteur, mais c'est vrai que le fort goût de malt était un petit peu dérangeant. Voilà. Donc à voir sur les 3 bouteilles restantes, je pense que ça peut être quelque chose de sympathique. Bon, ça va. Voilà. J'espère que ça partira pas en mousse à l'ouverture, ce qui arrive assez souvent. La bitagona. Si ça m'arrive encore sur les bouteilles à venir, ben je fais un petit message sur le Facebook pour avoir des infos, pour savoir de quoi ça peut venir. Ah, mais les bouteilles sont un peu excitées, il faut un peu les calmer. Du coup, par rapport à la bière, d'autres pont humanitaire de 48 peut-être. Oui. C'est vrai que la 48, la brasserie de Lausanne. Les parents doivent y aller, hein. Donc petite pompe humanitaire, je sais pas, encore, toujours pas, mais. Parce que bon, la Blanche Passion, quand même. Autant te dire que j'ai pas de thunes, mais là. Était vraiment. On va débloquer les fois exceptionnels. Était vraiment over the top, je pense, la Blanche Passion. Je vais appeler Kofi Annan et on va débloquer les fois exceptionnels. Moi, il me semble qu'il m'en reste une que j'avais gardée. T'arrives à en garder une. Il me semble, la blonde fruit rouge était bonne, mais vraiment la Blanche Passion. La crème de marron, à moi tout seul, j'ai failli tomber la bouteille. Mon père m'a dit Yudo, voiture, toi Carmo, toi lui. Toi rentre. Ah oui, tu restes la printemps. La blonde de printemps. Blonde de printemps. Putain, mon salaud. Putain, mon salaud. Ça, c'est des trucs qui se gardent. Hein. Je sais pas, mais que. Je vais pas me sortir une bouteille de 75 tout seul sans. Oh bah moi vu la qualité, ça tombe vite, hein. Bon, je te dis pas dans quel état je finis, mais t'inquiète pas que le mec, je suis pas malheureux. Donc oui, bah oui, forcément la brasserie de Lozère, la brasserie 48, donc le monsieur qui nous reconnaît en tant que les Dalton. Les Dalton. À 3 mais. À 3 quand même. Oh, c'est peut-être l'effet toucheux. Il nous en manque un, mais c'est pas grave. Autant dire que la prochaine fois qu'on le voit, c'est pillage. C'est la bise. Ouais. C'est la bise et pillage, je pense, à peu près, à cas de vie près. La prochaine fois, je prends au moins 2 bouteilles s'il en a de Blanche Passion. Parce que franchement, Blanche Passion, c'était le. Enfin, niveau découverte, c'était une. Ah, la Blanche Passion, c'est un petit. Ah, c'est un peu un péché mignon, quand même. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est une blanche classique, mais qui a le goût de la passion sans le sucre. Côté sucré, hyper sucré. Vraiment, c'est ça qui était. Elle est sucrée. Ouais, oui, elle n'est pas hyper sucrée comme une lambic, quoi. Comme une ligne de masse, par exemple. Comme une ligne de masse. Hashtag coucou David. Mais, c'est clairement un coup de cœur cette brasserie. Très, très clairement. Et pour avoir bu entre temps la crème de marron. Oh non, mais la 75, elle a tombé tout seul. La 75, je l'ai tombé tout seul. Le mec, il est fin comme un fil de fer, je l'ai tombé tout seul. Parce que c'est vraiment. Pour moi, c'était vraiment. Waouh! Pourtant, la cerise et Blanche Passion, très bien, très bien. Mais alors là, pour moi, c'était vraiment. Voilà, c'était vraiment tout ce que j'aime. Petit goût de crème de marron, etc. Du coup, pour finir un petit peu sur la partie donc durant cet enregistrement, on a bu une petite 50 centilitres A3 parce qu'il est tard et compagnie. Qui fait soir. Et qui fait soir. Il y a de la prune. Parce qu'on a bu une très bonne bière aussi, là. Oui, c'était Gulden Drac qui nous a tabassé la gueule, mais qui était diablement très bon. J'aurais bien vu autre chose. À 10 et quelques, elle t'a pas assez bien. 10 et demi ou... Donc là, on a bu donc pendant le début de l'enregistrement, puisqu'on l'a pas dit, la Super Papa. Donc de la brasserie Uberach. Uberach, ok. Qu'on trouve assez facilement chez Lidl, de temps en temps, enfin sur Albi, du moins, parce que moi j'en sais. Et c'est une brasserie hyper correcte, on a des bons produits, pas trop chers. On a eu Alors nous, on a bu la blonde, on a bu la, je sais pas, alors il y a la bio, je sais plus ce que tu l'as. Bah, j'en ai une qui est avant-dernier étage. Ah bon, derrière, mais t'as un bras ou... Non, en haut. Là. Hop. Oui, là. Et je crois qu'il y en a une deuxième quelque part, je sais plus. Parce qu'il y a une autre. Peut-être qu'on a bu chez toi. Peut-être. Ou ouais, peut-être sur la desserte en attente de lavage. Peut-être. parce qu'après, il y a une bio aussi qui est pas mal. Et il y a la blonde et la blanche qu'on n'a pas bu, je crois encore. C'est même la blanche est encore chez moi. Et c'est une brasserie hyper. Très bien. C'est du Bas-Rhin a priori. Donc le brasserie Überach donc dans le 67. Donc c'est le Bas-Rhin, donc ce qui est à l'autre bout de la France. Ouais. Oui. Non, mais c'est pas mal. C'est quelque chose qui doit se trouver un peu partout. Ouais. Donc là, c'était une Strong Bone Ale qui était. Je pense pas qu'on ait le temps de l'apprécier, mais elle était pas mal. Je l'ai savouré malgré la prune. Non, elle était correcte. Ouais. Elle était très correcte. Voilà, c'est pas ouf, hein. Tu vas pas finir le cul par terre. Mais voilà, si tu veux, ça vaut vrai avec des copains. Un petit truc comme ça, bien. C'était avant ou après le festival d'Albi, l'enregistrement? Ah non, après. Hein. C'était après? Après, ouais. Oui, on avait je crois que c'était interview. Après, justement, parce qu'on avait fait le... On en avait parlé. Justement. Ouais, on avait justement prévu après, ouais. C'est quand on en a parlé à Lucas, il fait pas... J'aurais su, je serais venu, je serais descendu justement pour voir, parce que Lucas, qui donc le co-fondateur de Beemaker, qui est... un petit peu porté sur les festivals de bière, voilà, ça aurait pu être une occasion enfin de le voir. C'est avec plaisir parce qu'il a été très charmant pour l'interview. Okay. Alors, merci. Puis pour le connaître depuis que je connais du podcast en fait, je sais que ça le fait bien. Alors on va rester. Ça va finir là-dessus, ça sent très bien. On va finir là-dessus. Est-ce qu'on fait une ça fait quatre, parce que ça fait le deuxième. On va aller recharger la petite carafe d'eau. Bah oui, vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'on se met? Je vais pas dire je sais pas, parce qu'on va en mettre encore je sais pas. Oui, ça c'est possible. Ça c'est gag depuis 3 ans. Je vais laisser la main, je sais pas si mon ami Asto... Il est parti. tu veux monter ça quand? J'aurai le temps. Ouais. Quand t'auras le temps, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Non, mais dans la semaine avant que je parte, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais. Donc, Je vais te mettre du Mouse on the Tree. On the Key, Mouse on the Key, pardon. Mouse on the Key, je te choisirai ça au pifomètre. Hein. Donc du coup, on va écouter ça et ça sera bien. Non, ça sera bien, voilà. it should not be your responsibility to hold me up there or to bear any weight beyond your own, to be anxious in all ways and compensate for a faith I lacked in me, to not break when I bent, but I did, because I was a waste and you were too patient with me, too kind, waiting for a shape to form, returning again and again, inexplicably to restore by hand what I once was and you knew somehow, but it never should have been your responsibility to fix me, not now, not ever, so why did you? I should be the mist that shrouds the mountain range around me, chased up with the winter when the spring comes in, and you should have let me fade. We'll be separated, particle by particle, swirling in the ocean waves, bodies aimless drifting without end, shapeless as the day that we first met. Days of disappearance I go and do not go anywhere without you, settle in both low clouds and the flowers of our garden home, my silhouette a fixture on the kitchen bricks. C'était quel morceau du coup C'était j'ai perdu ma couille au fond du ravin. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Merci pour le film. Podium. Bon, pas que j'oublie de t'envoyer ça quand même. Surtout, va falloir que tu réécoutes pour savoir ce que tu m'as donné. Ça, ça va être drôle. Oh, du Mouse de qui ça va Donc ensuite pour l'avant-dernier sujet auquel on a traité, c'était sur la J-Music. Oui, alors ce qu'on a découvert des trucs, alors ça grande question hein. Non, franchement j'ai découvert Tricot. Je te l'ai envoyé. J'ai écouté un c'est morceau. C'est du progressif un peu, enfin pas progressif, c'est du matrox, c'est un peu du mélange, tu vois, c'est un truc un peu entre du cul entre deux chaises, tu vois. Et j'avoue avoir été relativement ravi parce que j'ai goûté et je pense que bientôt il va y avoir un téléchargement un petit peu sauvage. parce qu'en fait on peut pas les acheter légalement, donc en fait il faut s'abonner. Et autant te dire qu'il va y avoir un petit peu du pillage, pour pas dire autre chose. Mais Tricot, c'est un groupe de 3 filles avec un mec. Si ma mémoire est bonne. Et c'est... Oui. C'est pas Cathy? Ah non, il y en a, c'est un mec. Ah, sur la pochette c'est pas évident. Ah, sur la pochette ça saute pas à l'évidence, mais je peux te dire qu'il y a un, c'est un mec en fait, ou enfin non binaire, enfin bref, dira ce qu'il voudra, le monsieur, ou la madame, ou bref, l'individu. La personne. La personne, voilà. Et j'avoue avoir été relativement séduit parce que j'ai écouté sur le coup. Après, qu'est-ce que j'ai pu écouter de japonais? Bon, ben, le truc qu'on vient d'écouter, donc Mouse on the Key, qui est un groupe, lui, de matrock pur. Parce que je sais pas si je l'avais fait écouter, il y a l'Octo aussi, qui est un groupe de matrock pur de chez pur, lui, c'est vraiment de l'instru pur, c'est vraiment les purs de chez vrai. Et après, il y a To, T-O-E, qui est vraiment un vrai groupe japonais de matrock, et me reste le pinacle pour moi de ma vie, donc c'est à savoir Light. Light, oh Light, c'est un vrai, je vrai, dire vrai. Nothing Carvenstone, mais... Non, non, c'est bon, non, je l'avais déjà sorti la dernière fois. Donc le Light, c'est un vrai groupe d'instru, parce que moi je suis vraiment typé instru, typé prog et typé mat rock. Et je dois lâcher quand même 45 euros pour toute la discographie. Et Dieu sait que ça me fait même pas chier. C'est dire que la qualité, et j'en parlerai un jour dans Up to Eleven, mais je pense que l'épisode sortira au mois de janvier. Voilà, donc parce que pour l'instant j'ai trop de gros bandcamp et c'est la vérité. Voilà. Donc pour l'instant un groupe de... C'est tout ce que j'ai découvert. J'ai retéléchargé des albums de Frédéric aussi, un EP qui est vraiment pas mal. Alors la musique est un petit peu nasillarde et un petit peu gonflée en termes de... Comment ça s'appelle de compression dynamique. C'est un petit peu... voilà, t'écouterais pas ça toute la journée. Mais Frédéric est un groupe, à ma foi, fort sympa que j'espère voir bientôt au Japon. Et quand j'espère aller au Japon, surtout, j'espère surtout ramener des albums de Shionobi dans Campanella. Ou Wednesday Campanella. Wednesday Campanella, qui est vraiment un groupe... Voilà, pour moi, c'est vraiment la continuité d'un groupe comme Dire Straits ou Tears for Fears, comme j'aurais pu le sortir aussi pour Fanel. C'est dire la comparaison qui, pour moi, est même plus que flatteuse et élogieuse. Pour moi, j'ai un EP qui dure 20 minutes, et pour moi, cet EP est une tuerie d'anthologie. C'est bourré d'idées, c'est d'une composition sans faille, les samples sont d'une qualité irréprochable, c'est vraiment un putain de bijou. Et visiblement, il y a eu d'autres albums, et les musiques sont à l'avenant, donc pour moi, c'est vraiment si vous voulez écouter de la pop un jour, écoutez Shinobi no Campanella, ou de son nom international maintenant, Wednesday Campanella, qui est passé d'ailleurs en francophonie, pour l'année 2018, je crois. Et c'est si on n'apprécie pas la musique, vraiment si t'aimes pas, c'est que t'aimes pas la musique, quoi, tout simplement, parce que c'est fait avec une telle maniaquerie, c'est fait avec un tel amour, la chanteuse est d'un charisme fou, elle a une voix vraiment une voix dingue, donc c'est... pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Je crois que j'avais déjà un coup de cœur à l'époque, et pour moi ça a été plus que confirmé, et quand ça confirme, c'est que c'est bon signe. Et toi, du coup, Asto, des découvertes ou... Parce que je sais que tu avais fait des recherches à peu près sur le Vocaloid. Ouais. Par rapport à ce que tu avais dit, que c'était Sega, mais en fait, pas forcément. Non, je m'étais planté. C'était Yamaha, ouais, c'est ça. C'est Yamaha, c'est... Voilà. Voilà, c'est pas Sega. Mais les droits sont conjoints. Sega, ils ont les droits sur les jeux vidéo de Vocaloid, tout ça, tout ça. Donc tu parlais de Vocaloid, donc je vais en profiter pour caler les Magical Mirai. Ouais. De Vocaloid qui sont des concerts annuels en fait. Le Magical Mirai 2018 aura lieu à la fin du mois d'août, je crois, me semble-t-il. Donc il y aura une représentation à Osaka et une représentation à Tokyo. J'ai déjà pu mettre la main sur l'album officiel du Magical Mirai 2018. Eh bien, tu commences à m'intéresser, jeune homme, là. Voilà, donc j'ai les Magical Mirai 2018, 2017, 2016 et 2015. Un album. Il s'est parlé au jeu. Voilà, il y a également des DVD disponibles qui sont vraiment terriblement cool. La japonaise. Voilà. Pour dire la vérité. Les albums, c'est des sortes de best-of, donc des albums classiques 45 minutes, alors que le DVD, tu vas avoir tout le concert de 2 heures. Ouais. Donc avec vraiment l'intégralité des morceaux. Donc voilà, j'ai fait une première écoute de ce Magikarp Mirai 2018 qui va mériter une deuxième ou troisième écoute, je crois que je l'ai écouté une deuxième fois peut-être, je ne sais plus. Avec quelques morceaux que j'ai pu reconnaître par-ci par-là, que je connaissais déjà, puis des découvertes avec des trucs très très électro, qui m'ont pas forcément beaucoup plu, mais voilà, je vais réécouter pour voir, essayer d'analyser un petit peu le truc. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux dire, alors parmi ce que j'avais pu recommander, il y avait donc par exemple du Cold Rain. Oui, entre temps j'ai pu mettre la main sur toute la discographie de Cold Rain, à savoir, c'est toujours trop partagé. Tous les anciens albums plus tous les mini-albums, ils appellent ça des mini-albums, c'est des EP passés en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je vous avais recommandé du Riol, donc l'électropop japonais. Donc depuis l'enregistrement, il y a eu quelques teasers, quelques vidéos, deux trois musiques qui ont été postées sur le YouTube de Riol. Donc a priori un retour en carrière solo de la chanteuse de Riol qui s'appelle donc Riol. voilà, puisque le groupe portait le nom de la chanteuse. Donc voilà, de l'électropop très très très très électro, assez barré, avec une ambiance un peu. Enfin voilà, c'est très très très déjanté, très très coloré. De quoi je vais pouvoir parler d'autre ? Ouf, je sais plus. Si t'as des choses à dire, dis-les, je vais réfléchir en attendant. Fanel. Mais Hey, mais tu fais de la propagande ! Non, tiens, tu as eu la bonne idée de nous envoyer un petit lien sur Google, sur Play Music de. Oui, de Oral Empire, oui, qui a commencé à ressortir quelques bricoles. Ah, oui, ouais, oui, ouais, c'est pour toi que je l'ai envoyé d'ailleurs. Très difficilement. J'ai pas cliqué, j'ai pas eu. Donc qui se trouve pas en fait sur internet, qui est ultra difficile à trouver, je n'ai toujours pas trouvé. Donc là, ça m'a fait très plaisir d'avoir un petit peu de Aurel Empire. Ouais, ça change de genre. Sur Play Music, donc 1,30€ par un morceau, il faudra voir si. Ça coûte que dalle. Ouais, je crois qu'il y a un album plus un EP. Ouais. Il y a une quinzaine de morceaux. Tout pété. C'est moins cher que l'Aïtel, hein, si tu veux que je les achète. Non, je mettrai la main dessus d'une manière ou d'une autre. On fera des échanges. Voilà, j'essaierai. Comme les cartes Pokémon. Ou les MST. Les MST. Oula, ce que je vais te mettre dans le cul, tu vois, c'est pas une MST. Mais... C'est le tunnel du sang fort. ouais, moi, après, à part ça, bah aussi, je me suis mis un peu sur le mat, comme j'ai dit tout à l'heure, mais. Pas plus pour l'instant. Il y a. Alors, je sais pas comment elle s'appelle cette chanteuse, Magico, ça a l'air pas mal. Et après, il y a le groupe aussi, The Stranger. C'est un sort de side group du bassiste de Nofiskara Livingstone qui fait pas mal de trucs, qui est visiblement très connu au Japon. Donc autant te dire que j'ai commencé à écouter, j'ai écouté Future is Last, je crois, ou un truc comme ça, et c'est plutôt pas mal, c'est pas trop ma cam, mais visiblement c'est pas mal. Si, moi je suis en train de repenser, mais c'est plus du coup lié aux animés, donc tout ce qui est. Plutôt opening, parce que sur Crunchyroll, on a le générique d'ouverture. C'est le générique de Black Clover. Donc, ah oui. Actuellement, c'est le titre Who Guess Je sais plus quoi. Who Are You? Parce qu'en plus, dans le générique, en fait, ils ont eu la bonne idée de combiner des héros. Ouais. Donc pour faire l'histoire simple, Black Clover, donc c'est Asta qui arrive dans une guilde qui ont des pouvoirs reliés à un grimoire, et chaque personne a un pouvoir particulier. Et dans l'arc actuel, en fait, il va y avoir un combat où ça va être des combats en duo. En fait, les équipes de la guilde vont faire des équipes de deux et vont pouvoir justement combiner leurs pouvoir pour lancer des méga attaques. Et le générique a la bonne idée justement de jouer là-dessus. Il y a un moment, en fait, t'as la présentation de deux personnages dans l'histoire, l'arc, parce que j'ai lu le manga, je sais que ça va être une attaque qu'ils vont combiner sur ces deux personnages là et dans le générique ils ont eu la bonne idée de jouer sur les deux aspects, en fait, d'afficher d'abord le groupe, enfin l'équipe, le duo, puis de mettre l'espace d'un instant, le premier personnage en avant, avec un fond de couleur vraiment qui lui est propre, et ensuite le deuxième, alors que quand c'était la présentation, c'était plutôt du noir et blanc, au niveau des couleurs. Et vraiment, c'est quand il présente, bah, c'est en plus dans une posture dynamique pour certains, et d'autres, c'est juste une posture pas lambda, mais classique. Voilà. Opening, t'as dit. Hein. Ouais. Nouvelle. C'est Who Guess. Je sais plus. C'est... Alors, à partir de l'épisode 28, c'est l'opening qui s'appelle Black Rover de Vicky Blanca. Non, Black Rover, comme les voitures. Et au niveau de l'opening, c'est un petit peu de la fusion, parce qu'il y a vraiment une partie qui est plutôt rock. Rock classique. G-rock, voilà. Ouais, du G-rock. Et il y a une partie vraiment centrale où c'est plus rap R&B. Mais ah oui, juste un court instant, en fait, le temps de dire. Un peu comme Black or White, peut-être, non ? Enfin, dans l'idée. Ouais. Que t'as ce morceau très un peu rock, et puis d'un coup, t'as le morceau un peu. Avec, et puis le goût, ça reprend après. Oui, c'est vraiment. Ouais. Là, l'histoire d'un couplet, en fait, de passer en rap. Mais avec, même le générique suit en fait. Avec Glencore Maladu. C'est ça, mais lui il fait du slam. Glencore Maladu. Tombé dans une piscine nue. Donc il y a ça, il y a le générique de Anne Bado. Bado, pas Bado. Ah, oui, Anne Bado. C'est pas des mecs qui font. Les mecs qui font du badminton et puis ils fument des putains en même temps. Ah, il y en a certains. La vie est infernale et ma vie c'est pas Ali. Je vais chercher Ali Badou. C'est Yurika Futirono Ame. À noter quand même que pour le LOL, mais vraiment pour le LOL, le dernier film Mission Impossible Fallout est produit par Ali Baba Production. Voilà. Quand j'ai dit ça à mon père, j'ai fait c'est AliExpress. C'est-à-dire qu'avec tout le pognon que je leur ai filé, moi je l'ai fait courir, hein, l'ami Tom Cruise. Après, en opening d'animé, là comme ça, si celui de Yuru Kump, qui est pas mal. Donc ça, à chaque fois, quand je dis, c'est du Crunchyroll, parce que c'est gratuit après la... Voilà. Donc, Wakanim aussi, c'est même sa Steam. Ah ouais, mais du coup je me suis pas mis dessus. Wakanim, ils sont alignés sur Crunchyroll, ouais. Donc c'est gratuit après 7 jours. Ils ont reçu One Piece en plus, c'est pas Crunchy qui a reçu One Piece. Non, c'est pas Crunchy. Non, One Piece, je sais pas. Après tous les gros trucs, c'est chez ADN. My Hero Academia, Boruto, Naruto, c'est chez ADN. C'est chez ADN qu'ils ont reçu One Piece. Les seuls trucs qu'il y a chez Crunchy, c'est Gintama. Ouais. Et Gigigeno, mais Gigigeno Kitaro est aussi chez Wakanim. Ah oui, il y a les deux. Ouais. Oh, mais moi, faut que j'efface les Gigigeno Kitaro. Moi aussi. Mais ça serait un 50 épisodes de Gigigeno Kitaro. Ah oui, bon, mais ça, c'est pas une petite série. J'ai jamais prévu que ce soit un 50 épisodes. Ouais. Non, là, du coup, comme ça, j'ai pas d'autres. Deux putes, un blanc. Qui me ressortent comme ça. Donc, voilà pour. Pour ça. Ouais. Comme ça, on va enchaîner sur le dernier qui était les jeux de société. Ah. Et bon, t'as dit que vu le temps qui s'est passé. Ah ben voilà, tu j'ai enfin reçu les quand tout à coup. Donc on n'a pas encore fait de partie. Ça va pas tarder, non, comme mon Omito Shoyu à venir. Hein. Oui. Mais de toute façon, je sais que je vais l'emmener pour Pôle Nuit. Ah oui. Donc le 11 août. Il est joli déjà. Ouais. Ensuite, bah, au niveau des cartes, en fait, c'est comme un limite. On a en fait. Déjà, j'ai transpiration du cul, ça me rappelle un peu. Oui, bah, là en plus. Donc, ah, ça me rappelle moi. Le quand je suis tombé sur ma carte favorite. Oh, regarde. Donc, en fait, quand tout à coup, c'est le principe du jeu, en fait, c'est on a deux cartes. Bah, dis jeune, t'as mis avec un blind d'œuf et un cul une poule. Voilà. Eh mais c'est un truc de gentil monsieur. Donc en fait, on a des cartes avec des phrases un petit peu choc, et il faut raconter une histoire sur deux cartes et lier les deux cartes en fait avec un quand tout à coup. Donc par exemple, si je prends les deux premières cartes que j'ai, c'est tu te demandes à qui tu as refilé la chaude pisse, et quand tout à coup tu te mouches, c'est du sperme. Donc voilà, c'est deux exemples qui n'ont pas forcément de lien, et faut pouvoir faire justement des histoires par rapport à ça. Et la particularité, donc en plus sur celui-là, donc c'est la version. La version 18+. Hein. Les deux sont 18+, mais c'est la version que je retrouve. Édition très très sale. Parce qu'il y a une, une édition classique qui s'appelle édition originale. Massage sans les mains par un homme tronc. Philippe Crozon, si tu nous écoutes. Donc voilà, le principe, je pense que ça peut être très très bien pour les soirées. Je l'approuve parce que j'en ai pas un, mais bon, c'est pas grave. Ton vagin reçoit le label qualité des pompes funèbres de Lyon. C'est dégueulasse. Personne sur Tinder, tu te tapes un migrant pour repeupler la France. Ouais. Marie Cyprine te branle pendant le carême. Et ce qui est en plus la mécanique du jeu, c'est que sur la carte, en fait, on a des passages qui sont surlignés en jaune et mis en avant. Et en fait, cette partie-là du texte, on peut la changer. D'accord. Donc c'est souvent en fait, voilà, un aspect ou un pronom. Par exemple, je sais que dans l'édition classique, ça va être je me masturbe quand tout à coup mon père rentre. Et tu peux remplacer je me masturbe, enfin je me et mon père par ce que tu veux. Donc en fait, tu peux dire Gandalf se masturbe quand tout à coup sa sœur rentre. Ah, j'ai la carte rubrique insertion. Je vis pas chez mes parents, mais je me vois. Un visage d'insérer des trucs dans ton cul. Ah bah oui. Si j'ai 80 ans, tu sais. Hein. Oh, il y avait du gilet trouvé de trucs un peu de l'écriture inclusive. De l'écriture inclusive. Tu joues la travailler avec ton anus. Oh, si tu veux. Attention. Merci ton jeu. Tu sens un truc craquer, c'est son hymen. Tu lubrifies ton vagin avec du gloss. Le guide du retard sort le guide du retard Israël-Palestine. Donc ça, c'était un petit jeu qui était sur Kickstarter. Et je pense que c'est personnellement le nouveau Limite Limite ou Blanc Manger Coco qui peut sortir. tu oublies d'effacer ton historique pédophile. Voilà, donc là c'est Avec moi on va se faire des soirées de fou. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'édition très sale. Oh non, tu vas au Domac pour te taper un enfant menu. Pardon ? Tu vas au Domac pour te taper un enfant menu, pas mal. Oh, pas les gosses! Sachant que voilà, donc là, c'est une partie, mais il y a plusieurs variantes. Donc, celle que j'ai dit, c'est voilà, on a 5 cartes en main et on doit faire des histoires et broder dessus. Et lier les deux cartes avec le mot pivot quand tout à coup. Mais il y a plein de variantes dessus. Il faut connaître la référence. Il faut connaître la référence. Ah, je sais pas. Ah, le Donkey Punch, c'est quand tu te mets un point dans le cul, je crois. Tout comme ça. Non, c'est quand tu lui rentres le point. Oh, c'est dégueulasse, quand tu rentres sans rien lui dire. Après, c'est très... Le mystère de la table. Oh, putain. Oh. Les cartes sont très orientées et très... pas spécifiques, mais très, très dans le milieu, en fait. Il y a vraiment des termes si... Ah, la carte simple, mais efficace. Ah, tu jutes. chaque soleil va te plaire. Le curé gémit, baissez-vous. Donc voilà, tout à coup c'est le centimètre de trop. Voilà, il y a 4 règles différentes. 72 vierges à déflorer, tous des mâles. Donc voilà, après au niveau des cartes, c'est des cartes assez simples, les dessins sont aussi assez simples. Mais je pense que ça peut faire une très très très bonne soirée. Oh bah, au prochain apéro brésilien, on s'en fait. Hein. Parce que là franchement, ton parrain te propose une faciale. Donc voilà pour moi pour les jeux. Mais ton jeu va me tuer là. À Skip, ta soeur de 12 ans, cette grosse qui coupe pute. Papy arrive, il a une érection. De toute façon, les trucs avec les vieux, ils confondent Baby Shower et Golden Shower. tu fais un trou dans la sachet avec ta petite image qui va. Tu fabriques du fromage avec ton vagin. Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir un vagin. Donc voilà, donc c'est le pommeau de la douchette est coincé. Oh, quel dommage. Ta gueule est suisse. Non, oui. Moi j'aimerais tellement sur les jeux. Donc est-ce que vous avez d'autres à noter qu'on aimerait avoir une sociétaire qui parle comme ça. Voilà. Qui parle comme Gandalf 80. Tu documentes ta transition ratée sur jeuxvideo.com. Oh oui, là c'est risqué. Là, quand même. Là c'est risqué. Ta sœur peut pas. Et là c'est Ragnagna. Ah, ben, Lana là. Les jeux récrachés. vos jeux à vous, parce que histoire d'avancer un petit peu. Finalement, j'ai pas joué à plus parce que nous on est allé au festival du. Bon, on l'avait dit, on était allé. Tu peux créer tes propres. Ouais, après tu peux créer tes propres cartes aussi. Bon, je pense que Gandalf le Train n'ira pas aussi loin pour l'instant. Hein. Il est pas. Même avec 3 coups de prune, il est pas. Tu renifles. Oh, vas-y, redonne les cartes et parle de ce que tu voulais. Qu'on était juste allé au Blues, hein, et pas plus. Hein. Depuis, moi, j'ai pas eu le temps de rejouer. Hein. Oui. C'est vrai que, au niveau des jeux, nous, en tout cas, on n'a pas fait d'autres. Bah, c'est l'épisode le plus récent. Donc, oui. Là, on peut avoir l'excuse, on n'a pas eu le temps. Hein. Pour de vrai. Donc, ouais, j'ai pas eu plus de temps que ça. On peut dire 2-3 trucs, qu'est-ce qu'on a fait au Blues Qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, on avait fait Clank, non on a fait du Clank. On a fait du Clank, très très cool. C'est alors bien, moi, qui m'a bien plu, ouais. Je gagne à tous les coups, c'est cool. Clank, jeu de deck building et d'exploration. Enfin, et de stratégie. Non, de deck building. Ouais, je sais pas trop comment le qualifier, du deck building. Building, c'est comme un immeuble, mais. Building. Building. Voilà, il faut explorer un donjon à l'aide d'un deck que vous allez construire vous-même pour rapporter un trésor à la surface. Tout en essayant d'échapper au dragon qui rôde dans le donjon. Voilà comment on peut pitcher le truc. Ouais. Je suis en train de regarder mon Instagram pour voir si j'avais pas publié des trucs. Mais ça remonte. Azul. Azul, ouais, qui était. Enfin, qui a eu l'As d'or. L'As d'or du festival de Cannes. Ouais. Tête de. Au Fige. Et franchement, ouais, c'est. Tête très très bonne découverte de jeu, en fait, le mécanique hyper simple. Ultra simple, un jeu très rapide qui dure 30-40 minutes maximum. Mais en fait, c'est ça les jeux où le mécanisme est simple. Mais justement, c'est les cas de les possibilités de réaliser. C'est simple, c'est rapide, ça dure pas longtemps, et pourtant, il peut y avoir de la stratégie. Il peut. Il y a de la stratégie. Il y a, en fait, mais c'est justement parce que le jeu est hyper simple que justement c'est facile d'accès et tu peux vite essayer de scorer et d'optimiser en fait ton jeu pour faire justement un maximum de. C'est très. Ça me rappelle très. ça me rappelle très. Ouais, ça me rappelle très Fabulosa Focus dans le style. Oui, oui c'était le. Fabulosa Focus. C'est le jeu de cartes où tu dois le jeu des cartes qui est Legacy. Ouais, où tu dois, c'est ouais, ça. Ouais plus ou moins Legacy. Legacy, bah, Legacy. Il est Legacy, mais il n'y enfin, a pas de déchirage de cartes. Ouais, ça reste Legacy. Ça reste Legacy. Ça dépend de la définition que tu mets derrière Legacy. Si c'est juste pour dire, tu utilises les cartes. Et après, le jeu il se modifie. C'est du Legacy rejouable. Voilà, c'est dans le sens Legacy où, en fait, une fois que tu as arrêté ta partie à un instant T, tu peux continuer. Tu peux continuer, mais il faut que tu immortalises d'une façon ou d'une autre les cartes que tu avais en jeu, qui étaient posées sur la table, pour dire, j'en étais à telle étape, et il faut que je reprenne à telle étape. C'est ça. Mais tu peux toujours revenir au tout début, recommencer à zéro sans qu'il y ait de problème. Zéro. Alors que les jeux vraiment Legacy, une fois que tu les as fait, je prends par exemple un Time Stories qui est un scénario, une fois que tu as fait le scénario, tu sais ce que tu dois faire, il y a juste les aléas du lancer de dés qui peuvent te bloquer. Pas du Legacy, Time Stories. Bah enfin il y a deux choses, pour moi ça c'est du Legacy où tu peux faire qu'une seule fois le scénario en fait. Oui. Et il y a le Legacy matériel où tu dois déchirer et customiser tes cartes. Pour moi les Legacy c'est du Pandemic Legacy. Est-ce qu'on peut violer le MJ? Non, c'est interdit. Ça c'est pas légal. Ah, c'est pas Legacy. Non, c'est pas légal. En fait, pour moi, le Legacy, c'est deux choses. C'est soit du scénario que tu fais une seule fois, Time Stories Unlock, ou tu modifies vraiment directement le matériel. Et là, ça va être du Pandémie Legacy, ou du... Le Seafall, c'est le truc avec le bateau où ton équipage, tu dois le nommer et tout. Ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, où là, tu... Tu vas écrire sur les cartes parce que tu vas devoir nommer des personnages, tu vas coller des stickers sur le plateau parce que tu vas découvrir des ressources sur des cases du plateau. Donc tu vas au fur et à mesure coller des stickers représentant les ressources que tu as découvertes sur cette case et ainsi de suite. Pour moi, je mets dans le Legacy ces deux choses-là. La jouabilité et... Toi, tu vois plus la jouabilité et plus... C'est ça. Soit tu fais du one-shot et une fois que tu l'as fait, tu sais ce que tu dois faire. Mais quand j'ai fait une petite, une fois que tu l'as baisé une fois, c'est... ça suffit. Ouais. C'est faux. C'est. Là, non, non, faut toujours une deuxième fois pour. Pour confirmer. Là, sur le time story, c'est. Tu sais, le scénario, c'est juste la mécanique lancée dès le hasard qui fait que bah, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats. Ouais, mais tu sais où tu dois aller sur ce scénario-là. Oui, c'est du jeu, ouais, c'est du jeu de scénario. Mais... Enfin, pour moi, ça ressemble. C'est pas vraiment. C'est là la limite du Legacy, mais c'est pour moi, c'est, voilà, c'est ouais, un côté c'est Legacy. Proche, c'est, on est proche, ouais, plutôt que c'est le. C'est proche, mais c'est pas pareil. On peut en débattre sur le podcast, qu'est-ce qu'il y a derrière la définition du podcast, ah, oui. Bah, mais c'est ça aussi. Oh, bon. C'est mais ça aussi, après oui. Ouais, enfin sur les Legacy, ouais, moi je cache vraiment ces deux là en tant que Legacy et le reste, enfin pas Legacy, c'est pas Legacy parce que tu peux revenir, tu peux revenir au début sans que ça pose problème, en fait. C'est juste que tu fiches peu, le jeu blancs, en état et tu reviens blancs. Après. D'accord. Toi, par exemple, sur le World of Fuel, tu peux arrêter ta partie à un instant T, faire autre chose pendant 4 jours et revenir à ta partie. C'est pas du Legacy, c'est juste que tu as mis ton jeu en pause, en fait. Tu peux faire pareil sur Time Stories. Oui, mais une fois que tu as fait ton scénario... T'as fait ton scénario. Oui. Tu le connais. Alors que sur les autres jeux, bah non, justement. Ah, techniquement, une fois qu'une carte est déchirée, bah, tu vas pas la recoller. Bah, justement, pour moi, ça c'est du Legacy. Voilà, pour moi aussi, ça c'est du Legacy. Voilà. Alors que le scénario, même si tu le connais, tu peux le refaire. Voilà. Un film, tu connais la fin, bah, tu peux le refaire. Oui, tu vois, mais le scénario. Alors qu'un film, tu caches le DVD, quand... bah, tu risques pas de le voir. Enfin, si tu achètes un autre film. Si tu fais un jeu où tu connais la fin et le déroulement, enfin, t'as plus d'intérêt. Ah ben justement, c'est la différence entre le chemin du boulot, mais tu le connais, mais t'y vas. Et pourtant tu le fais quand même. Ah, bon, t'es un peu obligé, mais. C'est là où tu peux voir, le côté speedrun du jeu à scénario. Oui, voilà, tu peux aller plus loin. Oui. Mais c'est. Alors qu'avec un jeu Legacy. Ça s'arrête là. Voilà, dans le jeu Legacy à scénario, bah une fois que tu l'as fait, t'as fait le jeu. Et ben tu te prends les cartes et tu te fais putain. Voilà. Mais pour revenir sur l'exemple de Time Stories, c'est pour faire bon chien, hein. J'ai fait deux fois des scénarios. Oui. Mais quel casse-couille. Ouais, tu peux le faire en tant que joueur et après en tant qu'MJ. Ouais. Et ça m'a permis de voir des trucs que j'avais pas vu en tant que joueur. Oui, ah oui, ça oui. Ça... La deuxième fois que j'ai assisté entre guillemets au scénario, j'ai pas participé au scénario. Mais tu as compris notre facette en fait du. J'ai essayé de le compter du mieux que je pouvais. J'ai vu des trucs que j'avais pas vu en tant que joueur. Oui. Ma bite. Parce que les joueurs en question ont décidé de faire des actions que moi j'avais pas compris lors de ma partie. Ça oui, du coup sur cet aspect-là, je suis d'accord. Mais au final, tu restes dans. Donc même en connaissant le scénario, ce qu'il faut faire et où il faut aller, tu peux avoir plusieurs chemins. Oui, ça après je suis d'accord, mais t'arrives forcément au même étape. Oui. Que tu le fasses en tant que joueur ou en tant que MJ, au bout d'un moment, si tu fais 6 parties en tant que MJ, tu vas voir à peu près les mêmes choses. Oui. C'est ça où, au final, le jeu Legacy à scénario, tu le fais, on va dire, deux fois en tant que joueur, en tant que MJ quand c'est possible, bah t'as fait le jeu. Si tu veux le refaire en tant que joueur, tu sais ce que tu dois faire. Oui. C'est sur ce principe-là que, enfin, pour moi, c'est du Legacy où tu peux pas le refaire comme si tu refaisais une partie de domino, une partie d'autres jeux. C'est pas pareil. Si tu deviens amnésique, tu peux refaire le jeu. Oui. Alors qu'un jeu Legacy, si tu deviens amnésique, et ben, t'as quand même déchiré les cartes. Oui. Ah. Ouais. Sur ce point-là, oui. Mais du coup, je crois qu'on va arrêter le podcast là-dessus. Parce que là, parce qu'il a levé un lierre. Faut que tu deviennes quand même amnésique. Oui, non, mais je... Mais, enfin... Et si tu deviens un peu pédé, un peu homo, quoi. Enfin, ça change rien, ça. Ça change rien. C'est comme si quand t'es con tout le temps. C'est pas pour moi. Mais là, du coup, ouais, sur le Legacy, ouais, pour moi, il y a vraiment les deux qui sont du Legacy, même s'il y a des différences entre les deux. Ouais, parce que le Legacy, c'est aussi rapproché du matériel aussi, c'est pareil. C'est des tendances aussi, et voilà. Si après, voilà, Legacy a peut-être voulu aussi tendre aussi vers une certaine forme de matérialité qui fait que, ben voilà, un déchir à la carte aussi, tu actes un point de passage, tu actes un truc, tu vois. Question, réflexion conne, Looney Quest. Enfin, de ma définition, ce serait un jeu legacy. Dans ton définition, oui, alors que non. Alors que au final, non, parce que tu peux le refaire. Mais non, tu peux le refaire 40 000 fois et tu vas pas faire le même dessin. Tu vas pas faire le même dessin. Tu sais, oui. C'est pour ça, du coup. C'est là où ta définition, elle tient pas. Oui, mais cette définition, c'est de la merde. Forcément deux scénarios. Enfin, après, c'est vrai que c'est ambigu de vraiment de définir spécifiquement le truc, quoi. Ouais, pour moi, le Looney Quest, tu peux quand même recommencer au début. Ouais. Et tu peux le refaire. Ah oui. Ouais. Alors que tu l'as déjà fait. Alors que tu l'as déjà fait, mais t'as pas le même aspect, parce que le mécanisme n'est pas reposé sur le scénario. Ouais, non. Donc c'est là, en fait, il y a deux choses. Il y a le legacy matériel, où tu dois le déchirer, et le legacy scénario. Oh, Dieu sait que j'aimerais bien déchirer, moi. Truc, ça doit faire telle étape. Mais c'est vrai que le Looney Quest, il a le... Dans ma définition, il a le cul entre deux chaises. Ah ben pour déchirer et avoir le cul entre deux chaises. C'est mal, hein. Tiens, t'as la prune là si tu veux. Mais il conduit quand même. Oh, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses sur le... Bah, je pense que là, on en a combien, j'ose pas savoir. C'est reparti à zéro, donc on est à 22 minutes. Donc il y a 2h22. Ah oui, d'accord. C'est tout. Ouah, c'est tout. C'est pas trop long, non. Non, c'est à 2h. Enfin, 2h et quelques. Tu te rappelles mieux des trucs qui fonctionnent que moi, alors que c'est moi qui suis propriétaire du machin. T'es balèze. Non, bah, des recommandations de jeux, on peut en faire des millions. Hein. Oui, c'est pareil. Non, hein. Le dernier jeu que vous avez testé, que vous avez bien aimé. C'est un très bon jeu. On gagne tout le temps. Enfin, je gagne tout le temps. Moi, c'est Seven's Continent. Ouais. Le 7ème condiment. Les couillons de Toulouse. Le jeu de mots n'est plus que beaucoup. Le 7ème condiment. Ah ben, il faut jouer avec 7 moutardes. On appelle 7 moutardes le jeu. Mais il y avait un sketch comme ça qui parodiait le 5ème élément qui était le 5ème. Aliment. C'était le duo des noms. Couscous. Non, c'était le duo des noms. Mais non, mais pour faire un couscous ou un truc du genre. Peut-être, je sais pas. Enfin voilà, Seventh Continent, un jeu à scénario du coup. Ouais. Ah, mais est-ce que c'est Legacy? Non, ce n'est pas. Est-ce que Andrea Agassi? Et est-ce que Leg Assi? Donc c'est un jeu d'exploration avec des cartes. Voilà, avec beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Ouh, ça doit plaire à ceux qui aiment le Magic King, parce que le jeu repose uniquement sur des cartes. Il n'y a que des cartes. Il y a 600 cartes. Descartes, le philosophe. Descartes, ouais. Et Pascal. Mais je préfère Pascal. Pas Foucault. Ce Descartes, c'est celui qui a dit. Non, c'est pas lui. C'est Laplace qui a dit rien ne se perd, rien ne se fait. Tout se transforme. Donc voilà, vous allez atterrir sur un continent, du coup, le 7ème continent, où vous allez devoir résoudre une malédiction. Le truc du jeu, en fait, c'est que d'un scénario sur l'autre, la map sera la même. En fait, le continent est toujours le même. Seulement, vous n'allez pas devoir aller au même endroit, trouver les mêmes choses selon le scénario et la malédiction que vous allez devoir dissiper. Vous allez devoir passer par certains points, aller à certains endroits pour trouver certains éléments et résoudre la malédiction. Je suis au premier scénar, je suis à plus de 20 heures de jeu sur ce jeu de bateau avec des amis. Et on n'a toujours pas dissipé la première malédiction, parce que c'est quand même un peu compliqué. Même si sur tous les forums, ils disent « Ouais, le premier scénar, c'est un scénar tuto, ouais, il se finit en 15 heures, il est ultra facile, ouais, tout ça, tout ça. » Bande de cons. J'ai envie de dire bande de cons. Connard. Voilà. Connard. Oh, tu fais bien. Voilà, on n'y arrive pas. J'ai donc appelé, j'ai fait le coup de bigot à une proximité pour essayer de voir si des gens de ma connaissance avaient réussi à finir le scénario. Ils m'ont dit mais nous, on n'a pas réussi à finir le tuto du tuto. Ah, d'accord, bon, ok. On va pas aller plus loin. On va pas vous poser plus de questions, on va pas vous spoiler le truc. Mais donc voilà, donc Seventh Continent, si vous avez l'occasion d'y toucher, je vous le recommande assez vivement, tout comme une pléthore de jeux. Au moment que tu es dans un jeu, j'ai vu un jour où il y avait des blagues avec des animaux qui se faisaient violer, moi, tu comprends bien que... Et ça y est, moi j'ai trouvé mon jeu favori. Moi, des animaux qui se font enculer, moi, le gentil monsieur qui est en moi se réveille. Comme un seul homme. Ça, c'est parce que c'est l'édition très très sale. L'édition originale est un petit peu plus soft. Là, c'est vraiment très très sale, c'est très très sale, quoi. Bah c'est beau, c'est l'édition de 81, quoi. C'est les gentils messieurs. Oui, toujours. Toujours un bout dedans, toujours un bout dedans. Voilà, donc bah si vous avez rien d'autre, je vais continuer donc sur des jeux de coop en fait, puisque donc j'ai des potes qui aiment bien des jeux de coop, tout comme Seven Continent qui est un jeu de coop. Les jeux un peu basés sur l'univers de Lovecraft, à savoir donc Horror Arkham, de HP donc Juliette Packard, Harry Potter, Juliette Packard de Lovecraft. Évidemment. Bah quoi, c'est ça, ce sont vraiment. H.P. Lovecraft. Donc un peu tout ce qui est sur ça. Donc Horror Arkham, Les Contrées de l'Horreur. Oui. Et Les Demeures de l'Épouvante, qui sont vraiment trois jeux excellents. Les Demeures de l'Épouvante qui est pas mal, je crois. Ouais, Les Demeures de l'Épouvante qui est vraiment top. C'est vraiment... celui avec la tablette, ça. Ouais, ouais. Donc, c'est un jeu qui se joue. Alors il y a une vieille version qui se joue, ouais. Un jeu avec des cartes. Et donc une édition qui est sortie il y a de l'offsol quelques années, qui est donc une seconde édition qui se joue avec une tablette qui fait le rôle du maître du jeu en fait, en quelque sorte. Et donc vraiment que ce soit les trois jeux en fait, c'est des jeux où vous allez devoir enquêter et résoudre un mystère afin de battre une espèce de grand ancien. Monstre, un grand ancien, voilà, une créature issue de l'univers de Lovecraft. Afin de rompre le sortilège, la malédiction, et ouais, bah, établir l'équilibre dans l'univers. Parce que s'il n'y avait pas de monstre, il n'y aurait pas d'enquête. Voilà, donc on va parler des demeures de l'épouvante, où vous allez être dans un cadre très restreint, vous êtes dans une bâtisse, un bâtiment, une petite ville, un petit quartier. Horreur Arkham, pardon. Vous allez être sur Arkham, sur la grande ville d'Arkham, avec différents lieux emblématiques de la ville d'Arkham. Mmh. Et pour finir, donc, les contrées de l'horreur, vous allez être sur la carte du monde, en fait. Un monde dans lequel existe Arkham, mais toutes les villes de notre monde également, où, de la même manière que Horreur Arkham, mais et Israël. Sur une map représentant le monde, en fait, vous allez devoir faire près la même chose. Est-ce qu'il y a Israël ? Voilà, donc les Contrées d'Horreur qui est un petit peu plus récent, donc a priori un petit peu mieux conçu, équilibré. Voilà. Heureusement, il s'améliore. C'est vrai, moi j'ai testé donc les Contrées de l'Horreur et. Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante. Et c'est vrai, c'est deux jeux qui sont à peu près dans la même thématique, mais qui. Ils fonctionnent sont différents en fait. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe, mais ça reste des jeux différents. C'est ça, parce que le premier, les Contrées de l'Horreur, tu te déplaces sur la carte du monde et tu as des événements qui se trouvent à divers endroits du monde. Alors que. Les Demeures de l'Épouvante. En fait, tu rentres dans une maison et tu explores la maison. Et tu as un mystère dans cette maison-là. Tu dois enquêter à l'intérieur de cette maison, trouver des éléments, des indices. C'est ça. Qui vont te permettre de résoudre le mystère. Et au final, tu... Marte un mystère. Tu découvres, tu construis, entre guillemets, la maison. Comme un portugais. Au fur et à mesure que tu vas explorer, en fait, tu ne sais pas ce qui se cache derrière une porte tant que tu n'as pas ouvert la porte, en fait, tout simplement. Et si tu mets un coup de hache et tu dis... Hey, this is Johnny! Du coup, si tu mets une hache, tu vois ce qu'il y a derrière. Tu vas pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Si tu dis que t'es Johnny. C'est la chambre, la salle de bain, la salle de billard. Est-ce que les fantômes, il a les pêche-touilles? Est-ce que l'enseigne, il se dit, putain? Il n'a rien à branler, l'ancien. Il te pète la gueule. Il n'a pas peur de. This is Johnny. Non. Et c'est vrai, en plus, c'est des jeux où on gagne pas souvent. Alors, c'est des jeux de coop. C'est comme le drag, en fait. Voilà. Donc il faut partir du principe qu'un jeu de coop, c'est difficile. Ah oui, complètement. Si vous jouez à 2, 3, 4 contre le jeu, c'est que le jeu il est quand même fort. Ouais, voilà. Donc c'est que c'est dur. C'est comme quand même le jeu, mais pas pareil. Quel que soit le jeu, quand vous allez faire un jeu de coop, il y a une certaine difficulté. Que ce soit ces jeux-là, que ce soit Pandémie, que ce soit Mice and Mystics. On parle pas de Magic Book The Book of the Book of Madness. Oui, ça. Big Book of Madness. Book of Madness. Big Book of Madness. Très très sympa, j'aime beaucoup. Un jeu de coop basé sur, sur les sortilèges, lancer des sortilèges pour tuer des monstres issus d'un livre qu'on a ouvert par ailleurs dans notre cursus d'école de magicien. Et allez, voilà qu'encore les étudiants ils font n'importe quoi, ça m'étonne pas. Ils ont ouvert le Big Book of Madness, et Moment, c'est un petit peu l'effet Sakura quoi. Oui, je sais que c'est ça d'ailleurs le truc de départ, oui, c'est qu'elle fait des saloperies, mais après faut qu'elle... C'est pas les cartes de Claude, mais oui, presque. Ouais. Elle a tout escampé. C'est les sorts. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, donc il faut partir du principe que c'est difficile. Il y a des merdes volantes. Là. Donc voilà, il faut adhérer au principe des jeux de coop. Il y a beaucoup de jeux aussi d'affrontement ou de jeux où il faut marquer des points. Les gars qui sont très très sympas, comme Pulsar qu'on a pu tester au Glouz, avec beaucoup de mécaniques, un jeu très à l'allemande, ouais. L'allemande. Plusieurs stratégies possibles à faire pour marquer des points, que bah en fait, à force, je pense que plus tu y joues, plus tu vois les aspects. La première fois, c'est vraiment un jeu d'allemand, c'est clairement un jeu d'allemand. La première fois, tu t'attends un petit peu. Tu testes des trucs, tu essaies de comprendre comment tu peux scorer. Et en fait, voilà, on jouait avec une personne qui avait qui connaissait déjà le jeu, 5 ou 6 parties, voire plus, et qui savait très clairement quel chemin prendre pour scorer. Enfin, on s'est fait rouler dessus, mais... Il savait ça t'a changé, ça. Il savait ce qui scorait le plus dans le jeu en termes d'équipe. Oh, bah. Donc voilà, il a joué là-dessus. Il a joué le game. Après, ça a quand même été agréable de pouvoir tester. Oui, c'est ça. C'est un jeu d'exploration un peu spatial. Ah oui, c'est plus ça. Le 4X qui n'est pas 2084. Ouais. 2000, je sais pas combien. Mon beau-frère l'a commandé d'ailleurs. Le passage. Il a dit qu'il l'avait commandé. Donc, pour le tester. Ça dans le même style, il y a Terraforming Mars. Vous l'avez pas testé. Non, je l'ai testé avec Louis et notre pote sur Toulouse. J'ai également pu le jouer sur un lit avec mon beau-frère et ma soeur. Pareil, c'est du jeu allemand avec des millions de pions, des millions de petits cubes en plastique. Ah, ça c'est basé sur du draft de cartes. D'accord. Donc voilà, c'est un jeu qui est ultra, ultra intéressant, très très sympa. Un jeu allemand avec du scoring de points qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est des parties assez longues. C'est costaud comme truc. Hein, tu mets le casque à pointe et t'y vas. C'est vraiment des trucs costauds, même style que Pulsar. Mais voilà. Il y en a marre des mouches. Après, qu'est-ce qu'on peut recommander comme jeu? Looney Quest, ouais, un jeu de dessin. J'ai joué la semaine dernière. J'ai fait l'extension. Moi, je sens l'extension, c'est avec la pyramide. La pyramide, c'est sur la fin. Sur les derniers mondes, on n'a pas joué avec la pyramide. C'est déjà très dur, ça. Moi, je sais que j'ai fait avec ma nièce qui a 7 ans. Il doit avoir 7 ans. 6-7 ans. Et enfin, je vais rouler dessus parce que c'est des trucs de dessin, donc à 7 ans t'as pas forcément l'aspect, voilà, c'est approximatif, c'est de la spatialisation, c'est pas simple, mais enfin elle se débrouillait quand même bien. Elle avait une vingtaine de points maximum à la fin du premier stage, donc c'est pas mal non plus. Et donc ça passe bien, c'est un jeu à 4 personnes où on a un schéma avec des ennemis au centre de la table. Et en fait toi t'as une plaque transparente, et avec un feutre en fait, selon le stage en cours, selon le niveau en fait, c'est du niveau 2D Mario on va dire. Et sur le premier niveau tu dois passer par des checkpoints pour marquer des points, d'aller d'un point A à un point B. Sans toucher les ennemis ni les murs. Les murs. En passant par le checkpoint, ça te donne des points d'expérience. Et en touchant des ennemis ou les murs, ça te retire des points d'expérience. Ouais. Et en fait, toi, tu dois, par rapport à ce que tu vois sur ton plexiglas, enfin sur ton transparent, tu dois relier les points ou tu dois entourer les ennemis ou tu dois faire des points. Mais du coup, c'est toujours par rapport à ce que tu vois. Oui, c'est en décalé. Sens que tu vois. Tu superposes après, a posteriori. C'est ça, tu superposes pour voir ce que tu as fait, si c'est bon ou pas. Et c'est une mécanique qui est hyper simple en fait. C'est simple, mais à la fois. Mais c'est. Enfin, faut être doué un petit peu en spatialisation et en repère en fait pour le faire. Alors que si tu dis que t'as 22 cm alors que t'as toujours 14, hein, voilà. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas, hein. Donc, ouais, Looney Quest, c'est sympathique. T'as pareil, il y a plusieurs niveaux qui vont plus simple au vraiment très très compliqué. Après, dans l'expansion, l'extension, je pense que ça va être encore difficile. Surtout avec la pyramide qui ajoute sur un. Sur le dernier niveau, t'as une pyramide. Ouais. Parce que, c'était à l'alchimie ou Glouce qu'on avait vu, je sais plus. L'alchimie, je crois. L'alchimie, mais du coup, il y a l'année dernière, là, pas cette édition, mais celle d'avant, où bah, il y avait l'extension avec la pyramide qui apportait justement une difficulté en plus parce que ça te cache le stage, le niveau qui est au centre. Ah oui, en plus. Oui, d'accord. Donc il faut que tu arrives, tu as des trous, donc il faut que tu regardes, à mon avis, je pense, à travers les trous pour voir où sont les objets par lesquels tu dois passer. D'accord. Sinon, notre jeu. Mysterium. Mysterium, ouais. C'est vrai qu'il est. Un jeu. Je sais pas si c'est vraiment. Si on peut vraiment dire que c'est un jeu asymétrique. Oui, quand même. Parce que t'as deux mécaniques différentes. T'as les. C'est un jeu de coop asymétrique, on va dire. Il y a une personne qui va jouer un fantôme, donc une personne qui va devoir être muette, hein, qui ne pourra pas parler pendant la partie, et qui va devoir faire deviner à des médiums une combinaison donc d'un personnage, d'un lieu et d'une arme. Donc d'abord le personnage, une fois que le médium en question a trouvé le personnage, il va devoir trouver le lieu, puis l'arme. Et donc, pour faire deviner cette combinaison, donc le fantôme va avoir des cartes. Très abstraite, des cartes type Dixit. Si vous connaissez un petit peu le Dixit avec des grandes cartes, avec des images, avec énormément d'informations dessus en fait, et des choses qui veulent à la fois tout et rien dire en fait. C'est plus des dessins assez généralistes et qui sont sujet à interprétation justement pour faire passer une idée, une thématique où on peut justement essayer de donner plusieurs cartes qui ont à peu près la même thématique mais qui ont des dessins complètement différents et des informations complètement on va dire contradictoires, mais qui a 2-3 éléments qui peuvent t'aiguiller sur la piste justement pour le fantôme va donner ces informations là pour essayer de faire deviner au voyant, au médium, la résolution, donc soit le meurtrier, soit la pièce, soit l'arme, le coutal. Et c'est justement par le fait de donner en fait ces cartes là pour aiguiller plutôt, donner des directives, essayer de jouer sur son feeling, son ressenti. C'est un jeu où tu donnes des cartes et t'essayes de voir le ressenti. Si t'arrives t'essayes d'analyser la réaction des personnes que t'as en face de toi pour avec les cartes suivantes essayer de vraiment les conforter dans leur idée ou les remettre dans le droit chemin s'ils n'ont pas pris la bonne décision. Toi, t'es pas rentré. Voilà. On a fait une dizaine de parties, mais j'ai eu pas mal joué. 5-6 parties au moins. J'ai pas mal joué, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Mystérieux. Sachez que ça t'a bien plu. Ouais. Un jeu que j'aime beaucoup. Là, comme ça, j'en ai pas. Pour en sortir des milliers d'exemples. Je sais, quand nous, on avait fait la recommandation en fait, des sites où on pouvait voir, donc on avait dit Trick Track, on avait parlé le bug de Geeklet, et après coup, on n'a pas parlé de Ludovox, donc qui est un site aussi de communautaire sur le jeu. Où en fait chaque personne c'est comme une sorte de gros forum pour généraliser et dire n'importe quoi encore une fois. Salaud. En fait les personnes viennent mettre des contributions sur leur jeu, enfin sur les jeux en général, donner leur ressenti, peut-être donner une note. Mais voilà, du coup c'est vraiment un aspect communautaire du jeu, un petit peu comme Track. Mais sans l'aspect vidéo, avec vraiment un article sur le jeu, de ce que j'ai vu sans aller, c'est vraiment plus communautaire, comme un gros forum au final. Okay. C'est différent, mais pas plus. Après, au niveau du jeu, oui, c'était tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est bon ? Ouais. C'est bon. On s'en arrêter là-dessus parce qu'il faut rentrer. Hein. Bon, ça va, ça fait que 2h40. Sans les musiques. Du coup, bah, nous, on se dit au 20 du mois pour l'épisode canonique. Pour les épisodes classiques. Canonique. Ouais, canonique. Oui, canonique. Ouais, genre un peu. Un peu et épisode 40. Épisode 40, voilà. Ah, et peut-être plus tard pour un Summer 2. Ouais, ça en a eu le temps. Ouais. Allez, on se trouvera le temps. Au pire, on fera deux épisodes en même temps. On fera tout oui. Septembre. Hein. Ça fera du bonus pour les tipeurs. C'est ça. Votez pour nous pour les podcasts au moment. C'était aujourd'hui et demain au non, moment de l'enregistrement. Donc, du coup, merci à ceux qui ont voté pour nous, hein, bien sûr. Merci tout. Et le gagnant de la bouteille de prune. Et là, on arrête. Là, la suite à la prochaine saison. Sous elle. Et là, on voit Samantha Carter qui voit passer des vaisseaux spatiaux. Oh non, pas eux. Voilà, bon, c'est fou, hein. Ouais, donc on va se terminer. On va se finir. Sur quoi on se finit? Et une petite musique, Astone, petite ouais, musique. Alors j'ai une idée, mais là j'ai pas la musique en tête. Dans la peau. La musique dans la peau. Faut que je trouve ça. Bah du coup, est-ce qu'on peut te retrouver Gandalfou Taikiku? Dans le Gandalfou Taikiku, on peut me retrouver sur @Gandalf81 sur Twitter. Je fais des tweets fascistes, bien évidemment, fascisants, comme dirait la plèbe. Et on peut me retrouver dans des podcasts comme 15 bras 15 jambes, qui doit revenir extrêmement bientôt pour la fin du top 14 que je n'ai pas traité. Ouais, de quoi donc ça parle donc? Ah, de rugby. 15 bras 15 jambes, ça parle de rugby, donc c'est... fin du top 14, donc fin de la saison régulière 2015-2018 et bien évidemment introduction de la saison 2018-2019. Voilà. 2015-2018. Oui, voilà, oui, 2015-2018, 2077-2099, Spider-Man, tout ça. Et bien évidemment, on peut me retrouver aussi tous les 15 jours, le lundi à 18h, voire le 11 du mois, ça dépend, hein, ça dépend du moment. Ça dépend comment la lune elle est. Hein, et c'est ça, c'est Up to Eleven, donc c'est mon podcast musical, où je parle de bandcamp, musique. De bandcamp et de progressif, ça dépend, ça dépasse. Voilà. Toujours, donc il est toujours en train de rechercher. Ouais, non, je t'enverrai une musique... Random. Ouais, parce que là je sais plus. Je sais pas. Je sais plus si je l'ai pas déjà passé, donc ça sera pas mal. Il a le regard un peu coquin. Donc peut-être que j'ai déjà passé celle-là. Du coup, bah moi on peut me retrouver sur @azertof sur Twitter, AZTOFF. Voilà. FF comme les Fantastic Four. C'est ça, exactement. Sur aussi de temps en temps quand ça sort sur l'épisode de Japan de quoi qui se passe, hein, bien sûr. De quoi? une fois par an sur Apod Radio. Oui. J'ai plus la date, 21 avril. 21 avril, il me semble. Moi je me mets le week-end de Pâques. Donc c'est le week-end de Pâques à Rennes. Je connais pas l'adresse, donc je vais pas la dire. Parce qu'on a changé d'endroit. Moi je me mélange pas avec la Viendez, c'est bien, c'est gratuit, on y mange, on y boit. Et Gandalf le travail ne viendra pas vous violer. Ouais, comme ça on l'entendra pas et ça c'est bien. Ah, bravo, heureusement je me barre. David approuve ce message, bien mais sûr. Oui, ensuite, quoi qu'il se passe. Mais pourquoi tu touches le poil? Non, mais parce qu'il y a un moucheron dessus. Il y a un moucheron sur le poil. Et bientôt, si c'est pas déjà sorti, sur un podcast surprise sur la bière. Oh, bah bravo, bah, ça, je vais m'en trouver. Et ça, vous en saurez plus en suivant les réseaux Socialo. Voilà pour moi. Moi, la musique, je verrai si elle était passée ou pas. Bah moi c'était Asto en direct de la toile HZTO 81 sur Twitter parce que Macha 80. Voilà, je désespère pas qu'un jour je puisse récupérer le compte Twitter Asto sans le 81. si un jour Twitter établit une politique de récupération des comptes qui ne sont jamais utilisés parce que la personne qui détient le compte n'a jamais publié quoi que ce soit en plus de 10 ans. Ah bah voilà, c'est super. On va aller chez lui et on va le foutre le feu. Voilà, on va lui foutre le feu. Va te foutre le feu. Voilà. Talou. Salut les Jones. Give me all your money, just kidding, but seriously, if you could please spare me maybe 10 or 20 so I can make an album, it's gonna happen, I'm finally doing it, and I can't wait, but before that, I need some help from you or your rich uncle, so here's the deal, pretty sure you know about Kickstarter, the place where artists go to make money off of their rich friends who made better life choices than them financially. I need some money so I can pay a professional sound engineer way less than he used to charge before. That's who ruined his career. All I'm asking for is $1 million so I can run away, retire in Mexico, and never make an album. Wait, sorry, wrong course. $4,000 is really all I need in order to record a super fun album. It will include funny songs, rock songs, and mashups. Sorry to be blunt, but I need your money if you want to hear more like this. Consider all this a Costco sample of a Chadney 12 pack that you'll never find at Costco. The only place you'll find it is within your heart. And by heart, I'm talking about your wallet, your purse, your PayPal, or bank account. I'm thankful for even a small amount, 'cause $57 is really all I need to record an album if it was 1870. But today that much will only buy a half of a chorus. So I'm asking you, please, if you can help a little bit so it won't sound like this.